الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le sujet de cette conférence, je vais en fait c'est pas tout à fait sur le livre que j'ai déjà écrit il y a à peu près 3 ans qui est Pourquoi Jésus doit-il revenir. C'est davantage l'héritage de Jésus dans l'islam contemporain. C'est la suite en fait de la réflexion sur la sira de Jésus. Et en fait, j'entends par là tous les enseignements qu'on peut tirer en tant que musulman dans le monde actuel, des actes et des paroles qui sont attribués à Jésus dans les sources qui nous sont disponibles. Alors je me base pour cela sur une comparaison que je faisais en conclusion de du premier ouvrage, la comparaison entre le monde actuel et l'époque à laquelle Jésus alayhi salam, a vécu. Et les comparaisons, en fait, les similitudes sont très très très nombreuses. Mais pour pas trop m'apesantir là-dessus, je vais me contenter de décrire deux aspects fondamentaux qui nous concernent en tant que musulmans. C'est tout d'abord le fait que la Oumma, le monde musulman à l'heure actuelle, est dans une situation qui est très très très proche, voire quasi identique, à la situation de la société juive à l'époque où Jésus est apparu, a commencé sa da'wa. Et la raison en est que cette société juive était en prise avec une domination impériale qui était celle de l'Empire romain, qui était un empire très particulier, et qui et à l'heure actuelle, la Oumma est dans une situation qui est très similaire vis-à-vis du monde occidental. Et ça s'explique très rationnellement d'ailleurs, puisque le monde occidental moderne qui a émergé sur la base d'idéologie philosophie et de philosophie, à partir du XVIIIe siècle, ce qu'on appelait par exemple en France la philosophie des Lumières, cette philosophie est née en ressuscitant le modèle romain. D'ailleurs, beaucoup de philosophes en France, par exemple dont Voltaire, vantaient le modèle antique, grec et romain, et se revendiquaient officiellement de cette filiation. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve une grande similitude. Alors, d'un côté, il y a la première chose, c'est la domination. C'est une domination physique, donc ça jusque-là c'est pas très original. C'est-à-dire que l'Empire romain comme l'Occident à l'heure actuelle sont des empires donc qui exercent des dominations qui sont politiques, militaires, économiques, même culturelles. Je mets dans le physique même l'aspect culturel, l'influence culturelle, etc. Donc jusque-là on pourrait étendre c'est une caractéristique qui n'est pas exclusive pour l'Empire romain et le monde occidental. Mais la différence c'est que en plus de cela, l'Empire romain avait innové en inventant un système que j'appelle une domination symbolique. C'est-à-dire que pour fédérer tous les peuples et les individus qui étaient sous sa domination, il imposait un cadre, une référence unique, malgré la diversité des cultes et des cultures qui étaient en présence. C'était le culte impérial, le culte de l'empereur. C'est-à-dire que toutes les religions étaient acceptées, toutes les religions païennes d'ailleurs, même le judaïsme qui a été intégré à partir de 64 avant Jésus-Christ quand les Romains sont arrivés en Palestine. Ont été tolérés par le pouvoir romain à condition que les fidèles de toutes ces religions acceptaient l'empereur romain comme un dieu. Et ce culte de l'empereur se manifestait à travers la diffusion d'effigies de l'empereur sur les pièces de monnaie notamment, de bustes, de statues dans tous les endroits, dans tous les contrées de l'Empire. Et également avec des cérémonies publiques, des hommages qui étaient rendus tout au long de l'année par les citoyens romains et les non-citoyens d'ailleurs romains qui vivaient sous l'emprise de Rome. Et ce modèle-là, que beaucoup d'auteurs ont appelé la capacité de Rome à intégrer les dieux des peuples vaincus, nous la retrouvons aujourd'hui en Occident, mais de manière plus complexe et plus subtile. C'est ce que j'appelle moi l'universalisme, c'est-à-dire c'est que l'Occident se prétend tolérant, c'est-à-dire qu'accepte tous les cultes à condition que tous les humains, quels qu'ils soient, acceptent des références universelles et communes. Les plus connues, c'est démocratie, droit de l'homme, indépendamment du fait que ces mots peuvent recouvrir des réalités philosophiques, ils sont utilisés par n'importe qui, même par des gens complètement ignorants qui commenceraient à ces termes-là. Mais ce qui est important, c'est que ces symboles en fait, idéologiques soient la base de tout acte, toute doctrine et tout discours dans le monde. Rien ne peut se faire à notre époque sans référer à ces symboles. Même le président chinois, n'importe qui, où qu'il soit dans ce monde, pour légitimer son discours, pour légitimer ses actes, ce qu'il dit politique, pour légitimer sa doctrine, doit prêter allégeance à ces symboles en disant que ce qu'il fait ou ce qu'il prône est conforme à cela. Et donc c'est ça, cette capacité de l'Occident à dominer de manière symbolique qui est vraiment la particularité de notre époque et qui pose pour les musulmans pas mal de problèmes, justement. Ça soulève des questions, ce qui m'amène au deuxième point, en fait, deuxième point en commun. C'est-à-dire que nous trouvions dans la société juive à l'époque des questions qui ont commencé à émerger Est-ce que les Juifs pouvaient accepter cette domination? Est-ce que le mode de vie et la culture gréco-romaine étaient compatibles avec, avec l'identité juive? Est-ce qu'il était légitime pour les Juifs d'obéir à l'autorité romaine? Est-ce que les gouvernants, les gouverneurs et les Juifs, enfin, les gouverneurs et les responsables juifs qui collaboraient avec Rome étaient des apostats? Est-ce qu'il fallait les combattre? Ces questions, elles étaient présentes à l'époque et elle a en fait morcelé doctrinalement en fait la société juive qui s'est divisée en plein de doctrines. Chaque secte juive donnait une réponse, une attitude particulière dans sa relation avec Rome. Et nous trouvons à l'heure actuelle la même situation pour les musulmans. Nous ne sommes plus à une époque où, en fait, ce n'est plus le débat ce que le Coran est créé ou pas qui divise les musulmans, ce n'est plus des questions sur l'asma ou sifat, etc. C'est des questions dans notre rapport à l'Occident. Est-ce que le mode de vie occidental doit être peut-être compatible avec la pratique de l'islam? Est-ce que l'islam et la modernité sont compatibles? Doit-on se soumettre à l'Occident, au régime qui collabore avec l'Occident? Sont-ils légitimes? Sont-ils apostats? Doit-on les combattre? Nous trouvons exactement les mêmes questions. C'est pour ça que les sectes, enfin les grandes tendances que nous trouvons aujourd'hui dans le monde musulman, nous avons l'équivalent exact à l'époque chez les juifs. Donc il y a un chroniqueur de l'époque qui s'appelle Flavius Joseph qui nous apporte beaucoup d'informations sur la réalité de la société juive à l'époque. Il précise qu'en fait il y avait 5 grands courants selon lui. Il y avait tout d'abord les Sadducéens qui étaient le courant qui est pour moi l'équivalent de la grande famille actuelle des modérés, modernistes, réformistes, qui est en fait la tendance majoritaire d'un point de vue en nombre dans le monde musulman, avec plein de degrés, plein de nuances, mais c'est la tendance majoritaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fois ikhwani, etc., c'est-à-dire des gens qui parlent de réforme, mais au sens occidental du terme, de progrès. Et donc c'est des gens qui étaient favorables, qui ne voyaient aucun problème à collaborer avec Rome, et qui d'ailleurs, la plupart, étaient des grands prêtres juifs qui collaboraient et qui légitimaient l'autorité romaine. La deuxième famille, c'est les pharisiens. Alors les pharisiens sont l'exact équivalent des salafistes. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire qu'autant pour les sadducéens, pour les autres tendances que je vais présenter, il peut y avoir quelques petites différences. Et si vous regardez si vous voyez les descriptions des pharisiens à l'époque, notamment celles que Issa, alayhi salam, Jésus fait, les critiques qu'il émet à l'écart de cette secte à l'époque, nous trouvons qu'en fait ce sont exactement à tous les points de vue les mêmes que les salafistes à l'heure actuelle, c'est-à-dire même jusque dans les détails du comportement quotidien, et d'un point de vue idéologique, c'est la même chose, le salafisme séculier, on dirait, pour faire les distinctions, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils étaient dans une attitude d'accommodement vis-à-vis de l'autorité romaine, c'est-à-dire que, contrairement aux sadducéens qui faisaient des transactions, qui transigeaient avec Rome à tous les points de vue, eux, il voulait absolument conserver l'authenticité, soi-disant authenticité orthodoxie de la pratique juive de la Torah, mais pour ne pas entrer en conflit avec Rome, ils avaient décidé de sacrifier tout l'aspect collectif et politique, c'est-à-dire qu'ils avaient une vision apolitique de la religion, ils toléraient la présence romaine, l'occupation romaine, ils prêtaient allégeance aux gouverneurs qui étaient installés par Rome, et ils ne voulaient absolument pas rentrer dans l'aspect collectif, et donc voilà, c'était ce que moi j'appelle l'accommodement. La troisième attitude, c'était l'hostilité, ce qu'à l'époque on les appelait les zélotes, donc ça serait l'équivalent du jihadisme au sens théorique du terme, parce que je fais une petite distinction à ce niveau-là. Donc c'était des gens qui le précisent, donc Flavius Joseph, le chroniqueur, nous dit qu'en fait les zélotes étaient une branche du pharisaïsme, donc c'est intéressant parce que là le point commun avec l'époque actuelle est flagrant, puisque pareil le jihadisme à la base on dit salafisme jihadisme et émane du salafisme, et le point commun c'est bien sûr l'orthodoxie et l'orthopraxie, la fidélité aux sources, etc., mais à la différence que le jihadisme conserve la dimension politique et collective, et au nom de cette dimension-là, conteste l'hégémonie impériale de cette puissance étrangère, de ces puissances étrangères actuelles qui est le monde occidental, à l'époque c'était l'Empire romain. Et les zélotes, parmi eux, avaient une faction qui est décrite comme la plus radicale, qu'on appelait les sicaires, qui donc, on va dire que ce serait à notre époque le jihadisme pratique, qui eux pratiquaient certains historiens parlent d'attentats, d'ailleurs le terme attentat est employé contre des légions romaines, ils ont une organisation quasi militaire, ils se replient dans le désert, on nous dit, on a pas mal de détails, dans les évangiles Dans l'acte des apôtres, on a même un terme, alors c'est la traduction que j'ai eue, que moi j'avais, peut-être que c'est pas forcément la bonne traduction, mais il y avait un responsable romain qui traquait les terroristes. Alors je sais pas, peut-être que je sais pas comment ils ont traduit ça, mais en tout cas le concept devait être proche, en tout cas, de fauteurs de troubles, etc. Ils avaient les historiens nous disent qu'ils étaient organisés en factions, ils avaient des commandants, etc. Et qu'ils menaient une résistance à long terme contre l'Empire romain. Ils appelaient autre détail subtil aussi, ils étaient contre tous les juifs qui collaboraient avec Rome, qui étaient considérés comme des apostats. Et il légitimait en fait au minimum l'excommunication de ces personnes-là, voire leur élimination, puisque le mot sicaire vient du latin sicari, qui veut dire poignard, puisqu'ils s'entraînaient à manier le poignard et assassiner aussi bien des personnalités romaines qui occupaient la Palestine que des juifs considérés comme collaborateurs. Donc là, on voit vraiment les similitudes. Une autre tendance dont nous parle ce chroniqueur, c'est les Esséniens. Cette secte, elle est connue, elle est plus connue à notre époque parce qu'il y a eu des découvertes archéologiques au XXe siècle qui ont apporté pas mal de détails sur cette secte. Et donc c'est une secte qui est minoritaire, qui est en commun avec les Zélotes et les Sicaires de contester l'emprise romaine, qui considèrent comme des traîtres également les Juifs qui collaborent avec Rome. Mais à la différence, eux, la solution qu'ils prônent, ce n'est pas la lutte armée ou l'hostilité, c'est ce que j'appelle l'ostracisme volontaire, l'isolement. Ils s'isolent dans le désert, ils prônent en fait la constitution de communautés de pieux, qui sont totalement détachées. Et d'où l'autre aspect de cette secte, qui est le messianisme. Ils attendent le Messie. Ils disent, en attendant le Messie, on va se replier loin des centres urbains où la masse des Juifs sont corrompus et sont influencés par la culture hellénistique. Nous, on est des purs. Moi, je fais le lien avec ce que j'appelle le néo-soufisme. Parce qu'il y a plusieurs sortes de soufisme. Il y a le soufisme, en général, qui était apolitique. Et il y a un soufisme, à l'heure actuelle, qui émerge, qui devient politique, qui est représenté par des figures médiatiques, à l'heure actuelle, connu, que vous connaissez comme Herman Hossein, par exemple, qui prône d'ailleurs des choses assez proches, puisqu'il y a le concept, j'ai entendu récemment, de village musulman, c'est-à-dire qu'il prône pas la lutte armée contre l'Occident, bien qu'il dénonce l'Occident et la collaboration, mais disent qu'il faut se replier, vivre et en communauté de gens qui ont un certain degré de pureté, etc. Comme les Esséniens, ils mettent l'accent sur la dimension spirituelle, l'ascétisme, les points communs, je vais pas trop développer, mais sont très importants. Donc cette comparaison me permet d'apporter ma réponse à une sorte de débat, de petit débat qu'il y a parmi les musulmans depuis quelques années, qu'on essaye de trouver dans la sunna, dans la sirah du prophète Mohammed, des points communs avec notre époque, et il y a des divergences. Certains disent notre époque ressemble plutôt celle à la période de la Mecque. D'autres, non, c'est plutôt Médine. Donc, moi, ma réponse, c'est non, on n'est ni à la Mecque ni à Médine, on est à Jérusalem, à l'époque de Issa alayhi salam, parce qu'en réalité, il y a des cycles dans l'histoire, et qu'en fait, à l'époque, la situation du prophète Mohammed alayhi salam et des compagnons était très très différente de la nôtre. Ils étaient très concentrés, ils étaient en tant que. C'était un noyau dur qui avait un haut degré de spirituel, de foi, etc., et qui était en prise avec un monde extérieur complètement païen. Et qui était dans une autre situation que la nôtre, où nous, on est dans la confusion, dans la décadence d'une société qui est musulmane, avec des musulmans, mais qui sont complètement décadents, qui sont loin de leurs racines. Et donc, on est dans la même situation que Issa, qui lui-même, on est dans le même rapport que Issa, lui est dans le rapport avec Moussa, qui était le fondateur de la société, de la nation juive. Lui, il venait à la fin historiquement de cette nation pour la réformer. Ouais, de la même manière, je ne sais pas si vous avez compris ma comparaison, en fait, Mohammed est dans la situation de Moïse, dans le sens où il a fondé une communauté, et nous venons à la fin, dans une situation de réforme. Donc c'est pour ça que mon hypothèse, c'est que Jésus est un modèle prophétique à étudier à notre époque de manière très sérieuse, parce qu'il peut être une source de réflexion pour nous musulmans à l'heure actuelle, pour pouvoir agir et comprendre notre situation. C'est sans doute le sens du verset de la sourate Al-Imran, qui dit « Ithqala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. » Donc c'est ce verset qui vient conclure en fait dans la sourate 3 le récit de Isa alayhi salam justement et qui explique donc je t'élève vers moi, je te purifie des incroyants, c'est Allah qui parle à Jésus, et j'établis ceux qui te suivront au-dessus des incroyants jusqu'au jour de la résurrection. Ce passage m'avait toujours interpellé. Et alladhina taba'u kafauqa alladhina kafaru at-taba'a, c'est suivre, prendre pour modèle. Et donc il est dit clairement que ceux qui prendront modèle sur Jésus jusqu'à la fin des temps seront au-dessus des incroyants. Et ça c'est dit clairement dans ce verset. Donc pour étudier la voie de Jésus, son enseignement, je vais d'abord m'intéresser à ses antécédents familiaux, son environnement doctrinal. C'est un point qui est pas assez mis en avant, alors que le Coran nous oriente vers ce sujet, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de versets qui parlent de l'entourage de Jésus, de sa famille. Il y a beaucoup de versets qui parlent de Zacharia, de sa mère, Mariam. Plus largement, il y a le concept de El Imran, la famille d'Imran, donc Imran qui est le grand-père de Jésus, le père de Marie. Et donc je pense qu'il est très important d'étudier cet environnement en nous posant la question à quelle doctrine, à quelle secte appartenait Jésus, enfin son environnement familial, c'est sa famille. Est-ce qu'il appartenait à l'une des cinq courants donc, que j'ai cité précédemment, qui étaient connus, qui étaient des courants majoritaires. À cette question, à notre époque, on a deux hypothèses actuellement qui sont soulevées par les historiens. La première qui invoque, qui est celle que Jésus était tout simplement un pharisien. Il y a pas mal d'historiens occidentaux, en fait, qui relisent la Bible et les évangiles avec un regard non chrétien et qui disent, mais en fait, quand on lit les évangiles, Jésus n'est pas du tout, comme nous le disent les chrétiens, une sorte de philosophe grec, mais c'est plutôt, c'est quelqu'un qui était très fidèle, qui était orthodoxe, qui était conservateur, qui était fidèle à la loi, à la Torah, et aux commandements et aux rites juifs. Donc, en fait, c'est un pharisien, c'est un rabbin pharisien, certes dissident, mais c'est un pharisien quand même. Donc c'est une vision assez réductrice en réalité, ça prouve que ces historiens n'ont pas une vision très lucide de la société juive, qu'ils regardent avec leur regard occidental, parce que c'est aussi réducteur que dire à notre époque qu'un musulman qui a une barbe et une camis, c'est un salafiste. C'est aussi simpliste que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais certes, bien sûr, Jésus était très très fidèle, bien sûr, à la Torah et aux commandements, mais il n'appartenait pas aux pharisiens, puisque c'était même ses pires ennemis, comme nous le verrons. Deuxième hypothèse, c'est que Jésus était un Essénien, puisqu'il mettait en avant la dimension spirituelle, l'ascétisme, etc. C'est la thèse d'un auteur musulman qui s'appelle Mohammed Atal Rahim, qui a écrit un livre qui est intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Jésus, prophète de l'islam. Cet auteur est soufi, de temps en soufi, donc ça explique ce parti pris, parce qu'il y a bien sûr des similitudes entre les Esséniens et les soufis à l'heure actuelle, mais c'est une thèse qui n'est pas acceptable, parce qu'il y a pas mal de différences. Certes, Jésus mettait l'accent sur la dimension spirituelle et l'ascétisme, mais pour autant, il y avait pas mal de divergences, puisqu'on sait que les Esséniens avaient un mode de vie particulier, communautaire, qu'ils étaient presque, j'ai envie de dire, il y en a qui ont fait le lien avec le communisme, ils mettaient en commun leurs biens, ils ne se mariaient pas, ils avaient un enseignement ésotérique, une sorte, ils avaient un fonctionnement confrérique qu'on ne trouve pas du tout chez Jésus et sa famille. Donc, la thèse que je veux développer, c'est qu'au contraire, Jésus et sa famille, et son entourage ne pouvaient pas appartenir à tous ces courants majoritaires dont nous parlent les chroniqueurs de l'époque. Ils étaient forcément dans une situation de minorité. Alors, il y a tout d'abord une indication dans l'évangile de Luc, qui nous dit que Zacharie appartenait au groupe des prêtres d'Abia. C'est une formule énigmatique, mais qui met en avant que Zacharie n'était pas un rabbin pharisien ordinaire, mais qu'il appartenait à un groupe, donc il n'y a pas trop de précision sur ce sujet. Si on se tourne vers le Coran, on a le concept de El Imran, donc bon, d'abord c'est un concept familial, ça serait en fait une famille de gens versés dans le savoir religieux, à commencer par le grand-père de Isa qui était Imran, et qui après il y avait donc... dans cet entourage, il y avait Zacharia, etc. Et moi, j'ai trouvé que pas mal de versets du Coran insistent sur le fait que c'était forcément une minorité. Alors, tout d'abord, si on prend certains versets qui décrivent Zacharia, Zacharie, donc, qui s'est occupé de l'éducation de Marie, de Mariam. Il y a par exemple ce passage de la sourate Mariam qui dit à son propos: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ مَنْ سَبِّحُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. En parlant de Zacharie. Donc, on sait que c'était un prêtre, c'était un grand prêtre, une sorte de rabbin juif, sauf que là, il est dit, il se manifesta à son peuple du haut de l'estrade et leur fit signe de glorifier Dieu tôt le matin et tard dans la soirée. Le terme qui emploie ici, c'est قَوْمِهِ, son peuple. Donc, cette description ressemble plus à une communauté religieuse à part plutôt qu'à un simple rabbin. Pharisiens tels qu'ils sont décrits dans les évangiles. Mais il y a d'autres, dans cette même sourate, d'autres précisions à propos de Zacharie qui sont plus explicites, notamment sa dora, son invocation, puisqu'il n'avait pas d'enfant, il arrivait à un âge avancé, sa femme était stérile. Et le Coran insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a plusieurs sourates qui en parlent. Et donc, par exemple, dans cette sourate, il est dit. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Donc là, il se plaint du fait qu'il n'a pas de descendance. Accorde-moi de ta part un successeur qui pourra prendre donc ma succession, mon héritage, car ma femme est stérile. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. Alors c'est plutôt ce verset-là en fait qui m'a servi à conclure que Zacharie appartenait à un groupe minoritaire. C'est, il dit, il héritera de moi et il héritera de la maison de Jacob, de Yaqub. Alors c'est étonnant puisqu'on voit ici que Zacharie s'inquiète pour son héritage spirituel, bien sûr, c'est pas son héritage matériel, et qu'il considère en fait que s'il meurt sans descendance, sans qu'il y ait personne pour le succéder, son enseignement va disparaître. Donc, non seulement son enseignement, Yarithuni, il héritera de moi, wa yarithu min al Yaqub, et donc ça veut dire, et il héritera donc de l'héritage de la voix de Jacob, ça signifie que Zacharie estime à ce moment-là qu'il n'y a aucun autre chef religieux juif à son époque en Palestine qui est fidèle à la voix de Jacob. Yaqub, qui n'est autre que Israël, donc le fondateur de la nation israélite, des Bani Israël, des enfants d'Israël. Donc ça prouve que dans ce milieu-là, il y avait la conscience du fait qu'il représentait une voix unique au sein de la société juive, et que c'était la seule voie, le seul courant à être fidèle à l'enseignement des prophètes antérieurs. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit au début dans la même sourate Al-Imran: Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Al Ibrahim wa Al Imran 'ala al-'alamin. Il y a ici une filiation qui est faite entre tous les prophètes. Dieu a élu Adam, Noé, la tribu d'Abraham et la tribu d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes. Et donc en fait ici on voit que c'est le thème d'ailleurs principal de cette sourate, qui est d'insister sur le fait que Jésus et son entourage étaient complètement fidèles à la voix à la voix d'Abraham, et qui n'était pas du tout une voie parallèle ou une nouvelle religion, mais c'était en parfaite concordance avec l'enseignement des prophètes antérieurs. Donc ça c'est le premier point. Il y a ensuite, si on se tourne maintenant qu'on a en tête ces références coraniques, qu'on se tourne vers des recherches historiographiques occidentales actuelles, on voit qu'il y a une certaine convergence, notamment un historien français qui s'appelle Jean-Christian Petit-Fils, qui a écrit dans les années 2000 une énième biographie de Jésus, de Rissa, et qui donne un éclairage intéressant sur les antécédents familiaux de Jésus également, et qui développe le concept de Nazaréen, de Nassara, qui est pour nous, qui en tant que musulmans, nous évoque bien sûr quelque chose, puisque c'est le terme qui sert dans le Coran à désigner les chrétiens dans leur ensemble. Alors je vais vous citer cet auteur qui dit: les Nazoréens ou Nazaréens, se disant descendants de David, venus de Mésopotamie et installés au IIe siècle avant notre ère dans deux bourganes, Kohaba, qui est en fait la ville de Kawakib actuellement en Palestine, à l'est du Jourdain, et Nazara ou Nazareth en Galilée. Les Nazaréens, du fait de l'origine qu'ils revendiquaient, portaient l'espérance de la libération d'Israël, y compris par l'action militaire, comme l'avaient tenté certains révoltés. Et pour ce même historien, Jésus appartenait clairement à ce milieu, puisqu'il dit, je continue, « Mon hypothèse, fondée en particulier sur la chronique écrite par Jules l'Africain au IIIe siècle, est que Jésus appartient au groupe des Nazoréens. » Et en effet, dans les évangiles, Vous avez l'expression, il y a l'expression Jésus de Nazareth, que tout le monde connaît, qui a été popularisée, mais qui est fausse en fait. C'est maintenant tous les auteurs occidentaux, tous les spécialistes, depuis à peu près 15 ans, ont banni cette expression parce que c'est une erreur de traduction. C'est pas Jésus de Nazareth, c'est pas une allusion en fait à son village d'origine Nazareth, ça n'a absolument rien à voir. Il y avait une mauvaise traduction, d'ailleurs les dernières traductions en général, la plupart ont intégré c'est Jésus le Nazaréen, c'est une allusion au groupe, à la communauté religieuse à laquelle il appartenait. Donc c'est maintenant qu'on a ça en tête, on voit que dans les évangiles, il y a pas mal de passages où il est décrit comme cela. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. Ou alors, dans une autre référence, Israélite, écoutez mes paroles, Jésus le Nazaréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui du miracle, etc. Je n'ai pas cité toutes les références, mais il y en a beaucoup. Où en fait, maintenant, on comprend que à l'époque, c'était vraiment une communauté religieuse. Et il y a d'autres sources qui viennent s'agréger à cela, notamment des témoignages de l'époque, un fonctionnaire romain qui aurait vu Jésus physiquement et qui a fait une description de lui. Et d'ailleurs, cette description, elle a servi aux chrétiens pour, si vous remarquerez, à représenter Jésus sur les icônes, en fait. Donc j'ai voulu un passage de cette description qui s'est faite par ce fonctionnaire qui s'appelle Lentulus. Il dit « Il a des cheveux bruns, couleur noisette, en mèche abondante avec une raie au milieu, à la mode des Nazaréens. » Donc, déjà, pour anecdote, on remarque ici que la mode des Nazaréens, ce n'est autre que la sunna du prophète Mohammed, puisque si je vous renvoie à Zad al-Ma'ad, le livre d'Ibn Qayyim qui décrit physiquement le prophète, où, bon, c'est anecdotique, mais où, pareil, il avait les cheveux longs, coiffé en deux pans, etc. Et donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, les Nazaréens étaient une communauté religieuse distincte, certes minoritaire parmi les Juifs, par rapport au grand courant que j'ai cité au début, mais ils étaient même reconnaissables physiquement par leur accoutrement et leur coiffure. Maintenant, concernant la signification du mot Nazaréen, je me suis intéressé à l'origine. Il y a plusieurs hypothèses, il y a pas mal d'hypothèses qui ont été retenues. Mais en gros, celle qui revient le plus, qui a été développée par un auteur juif d'origine, mais qui s'est converti au christianisme plus tard, italien, qui s'appelle Emilio Zoli, qui a, pour lui, en fait, le mot nazaréen vient de l'araméen nazir. On le traduit généralement par strict observant, donc des gens qui seraient pieux, etc. Mais plus précisément par pieux, parce qu'ils étaient très assidus pour un rite qui était répandu à l'époque chez les Juifs, et qui était le vœu. Le vœu. Alors je vais vous lire la citation de cet auteur. Il dit « Lorsqu'un homme est consacré à la divinité par un vœu fait par ses parents, il est fait nazir. » Or, bien sûr, le mot nazir, nazara, en araméen, nous fait penser qu'on est arabophone à un terme qui est l'exact équivalent en arabe, qui est nazara, nazar le vœu, nazara faire un vœu. Et donc moi, je me suis... Quand j'ai su ça, j'ai pris un dictionnaire du Coran et je me suis demandé s'il y avait des occurrences dans le Coran de ce verbe, et de ce mot, de ce verbe nazara. Alors, à la quatrième forme verbale, la forme anzara, qui veut dire avertir, ça revient très nombreuses fois dans le Coran. Par contre, à la première forme verbale, nazara, vraiment dans le sens faire un vœu, il ne revient que deux fois dans le Coran, dans deux sourates différentes, dans les deux cas, pour l'entourage de Jésus. Alors, il y a d'abord, par exemple, la sourate Maryam, la sourate 19, qui, dans l'épisode, qui décrit en fait la naissance de Isa, alayhi salam, et il y a Marie, sa mère, qui est embêtée, qui porte un nouvel enfant, qui ne sait pas comment retourner chez ses proches avec cet enfant. Et il y a un ange qui vient lui conseiller, alors je vais vous lire le verset, « Fa'imma tarayinna minal bashari ahadan, fa'quli inni nazartu. » Si tu viens à croiser un humain, dis-lui que j'ai fait vœu, nazartu, de jeûne aujourd'hui auprès du miséricordieux, je ne parlerai donc à personne. Donc ce verset, il montre que cette pratique du vœu était répandue dans ce milieu, dans le milieu de Marie, de Mariam, parce que ce prétexte a pu lui permettre de tenir à l'écart ses proches un certain temps. Et l'autre sourate, c'est sourate Ali Imran, toujours au sujet de l'entourage de Jésus. Cette fois-ci, de la mère de Marie, la femme d'Imran, au moment, pendant sa grossesse, pendant qu'elle porte Mariam. « Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu » pareil, le même verbe, « inni nadartu lakama fi batni muharrara fataqabbal minni » lorsque la femme d'Imran dit « Seigneur, je te fais vœu » de ce que mon ventre contient. Et alors là, cet aspect, puisque là, c'est un vœu qui est fait pendant la grossesse, l'explication qui est donnée par l'auteur, j'ai cité précédemment, qui est Eugenio Zoli, est plus précise. Il dit « Lorsqu'un homme est consacré à la divinité fait par ses parents, par un vœu fait par ses parents, il est nazir. Un nazir doit observer certaines abstinences, ne pas se couper les cheveux, ne pas boire de vin, ni de boisson enivrante, et ne rien manger d'impur. » Et donc, en ayant cette définition historique à l'esprit, on peut mieux comprendre tout ce passage de la Surat Maryam qui pouvait paraître avant obscur, puisqu'en fait, elle fait ce vœu en pensant qu'elle porte un enfant mâle, un garçon, puisque c'est une pratique qui était réservée aux garçons, qui serait ensuite consacré à la divinité, qui resterait dans ce pouls de son enfance au temple, etc. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre son étonnement, l'étonnement de la mère de Marie lorsqu'elle met au monde une fille, puisqu'il est dit, lorsqu'elle l'a mis au monde, elle dit « Seigneur, j'ai enfanté une fille ». Et donc on comprend qu'en fait, elle se demande en réalité comment je vais pouvoir mettre en application ce vœu, puisque j'ai une fille. Et en fait, on voit qu'exceptionnellement, dans le cas de Maryam, Allah a accepté cette dua, puisqu'il dit « Fataqabbalaha rabbuha biqaboulin hasanin wanbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya ». Dieu reçut la petite fille en grâce, Dieu accepta, taqabbalaha, elle l'accepta, donc accepta ce vœu qui a été fait par sa mère pendant la grossesse, lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zakaria. Donc voilà, donc là on comprend qu'en fait, par sa mère, Jésus, qui n'avait pas de père, était déjà dans sous la grâce de ce vœu particulier qui a été fait par donc, la mère de Mariam. Donc j'en profite ici pour remarquer que ces détails qui sont ignorés par les textes chrétiens, en fait, voire des fois écartés volontairement par le haut clergé chrétien pendant tous ces siècles où beaucoup de textes ont disparu sur l'entourage de Jésus, nous permettent de recontextualiser la vie de Jésus et de comprendre mieux certains aspects. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous dit le Coran, justement, ce que dit Allah dans le Coran à ce sujet. Il dit « Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathira mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. » Aux gens du livre, notre prophète est venu mettre en évidence pour vous une grande partie des écritures que vous teniez cachées. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va s'intéresser un petit peu à la doctrine des Nazaréens. Comme on a une définition assez précise sur les autres courants du judaïsme qui existaient à l'époque, je me suis posé la question, à quoi pouvait ressembler le nazaréisme ? À quoi ressemblerait-il s'il existait à notre époque ? On n'a pas beaucoup de sources sur le sujet, donc c'est pas facile, mais j'ai réussi quand même en croisant quelques sources à mettre en avant 5 points sur le sujet. Le premier, c'est que en fait, ce sont des juifs de stricte observance. Donc ça, c'est le point commun avec le pharisaïsme, qui a la cause de la confusion qu'il y a eu chez certains auteurs, qui ont considéré que Jésus est un rabbin pharisien, et son entourage également, puisqu'ils étaient fidèles à l'enseignement, à la Torah, etc. Et c'est pour ça que les auteurs actuels disent que les Nazaréens, al-Nasara, donc dans le sens, pas dans le sens actuel de chrétiens, dans le sens de cette communauté religieuse juive qui préexistait à Jésus, bien sûr, étaient des juifs de stricte observance, en gros des conservateurs, on dirait des orthodoxes également, qui étaient fidèles aux traditions religieuses israélites. Ce qui nous amène au second point, parce que ce point-là nous permet de comprendre qu'en fait, cette communauté religieuse était complètement coupée, était hermétique à l'influence culturelle et idéologique de l'Empire romain, forcément. Donc ça, c'était important pour l'époque, puisqu'il existait des courants de juifs qui étaient complètement, soit carrément assimilés à l'Empire romain, qui rejetaient, qui étaient dans un état de reniement vis-à-vis de leur identité et de leur foi, et d'autres, il y avait plus tous les degrés, comme à notre époque chez les musulmans, jusqu'à ceux qui se disent pratiquants, mais qui sont... une certaine attirance pour la culture et les idéologies occidentales. Là, on voit que ce milieu-là est complètement coupé, fermé à l'influence de l'Empire romain. Donc ça, ce deuxième point est un point commun avec les zélotes. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans l'hostilité vis-à-vis de l'Empire romain. D'ailleurs, on remarque que dans les évangiles canoniques, les évangiles reconnus par les chrétiens, que parmi les 12 apôtres de Jésus, à Jérusalem, il y avait pas mal, sans doute, de zélotes. De gens qui sont... Par exemple, il y a le fameux Simon, le nationaliste. Le mot nationaliste, qu'on a employé comme ça, signifie qu'en fait, c'était des zélotes. Troisième point, qui est le point commun avec les sicaires, c'est que les Nazaréens n'excluent pas la lutte armée pour mettre fin à l'occupation. C'est l'historien Jean-Christian Petit-Fils qui nous l'apprend. Il dit « Les Nazaréens du fait de l'origine qu'il revendiquait, portait l'espérance de la libération d'Israël, donc la libération vis-à-vis de l'Empire romain, y compris par l'action militaire, comme l'avaient tenté certains révoltés, parce qu'il y avait aussi bien des révoltés des tendances zélotes ou d'autres tendances juives qui, à plusieurs reprises avant l'avènement de Jésus, avaient essayé de se soulever contre cette occupation, à chaque fois sans succès. Quatrième point, les Nazaréens sont portés sur les pratiques ascétiques et spirituelles également. Donc ça les éloigne des pharisiens qui étaient assez ritualistes, très terre-à-terre, qui appliquaient les lois, mais qui n'étaient pas trop portés sur l'aspect spirituel et sur l'ascétisme. Et d'ailleurs, le point, ce qui nous permet de... on le sait, puisque Jean-Baptiste, pour les chrétiens, c'est Yahya, qui était donc le chef de file de ce courant, de cette communauté religieuse, avant que Issa soit déclaré prophète et messie. À ce moment-là, lui, qui était donc le chef de file de ce courant, était un ascète. Alors, il y a aussi bien les sources chrétiennes que les sources musulmanes qui convergent là-dessus. Par exemple, dans les évangiles, il est décrit comme le vêtement de Jean était fait de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. C'était vraiment un ascète. Et on a un hadith du prophète Mohammed qui le décrit d'une manière assez similaire. Il dit: où est le martyr, en parlant de lui, parce qu'il est mort martyr, il a été tué, où est le martyr, fils du martyr, allusion à son père Zacharie, qui est mort shahid, qui portait des peaux de bêtes et qui ne se nourrissait que d'herbes sauvages. Donc on voit qu'en fait, dans ce milieu, ils étaient portés sur l'ascétisme. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a mis beaucoup l'accent sur cet aspect de la religion, c'est-à-dire qu'en fait, il combinait aussi bien la fidélité stricte à la loi, on dirait à notre époque à la charia, à l'époque c'était la Torah pour les juifs, au commandement, et tout en ne négligeant pas la dimension spirituelle, etc. Enfin, cinquième point, c'est le messianisme. Et ça, c'est le point commun aussi avec les Esséniens. J'ai cité un historien français qui est une référence en matière, qui s'appelle François Blanchière, qui a dit: les disciples étaient des messianistes, des juifs de stricte observance qui croyaient que Jésus était le Messie attendu pour restaurer le royaume d'Israël. C'est un point important puisque toutes les tendances juives n'étaient pas toutes messianistes. Il y en avait certaines très assimilées à la culture romaine qui, eux, avaient abandonné cette croyance avec d'autres croyances juives. Il y avait les pharisiens qui, ne rejetaient pas cette croyance, mais ne s'y intéressaient pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en fait, il y avait deux formes de messianisme à l'époque, et je pense qu'à notre époque, il y a aussi deux formes de messianisme chez les musulmans. C'est un messianisme saint, dans le sens où c'était, comme il ne négligeait pas la dimension historique et politique de la religion, il s'alarmait, il s'attristait de la situation présente, il disait: c'est pas normal que nous soyons sous la domination étrangère et que la situation, et que cette société, cette communauté religieuse soit complètement corrompue. Ils attendaient, comme Allah leur avait promis dans certains textes, l'arrivée d'un messie qui allait rétablir la situation et à la fois mettre fin à l'occupation militaire, etc., et réformer cette communauté religieuse. Alors qu'il y en a qui tombaient dans le délire messianique et qui, eux, faisaient une fixation sur la personne du messie. Et comme à notre époque d'ailleurs, il y a les deux aspects, c'est-à-dire que le messianisme dans le sens de conscience historique, c'est une bonne chose. C'est pour ça que par exemple des tendances religieuses en islam qui sont apolitiques ne sont pas messianistes, parce qu'ils ne s'attristent pas de la situation présente, donc ils n'attendent rien du futur puisqu'ils ne voient pas où est le problème dans la situation actuelle. Et il y a pas mal d'autres sources. Il y a pas mal d'autres sources qui confirment en fait que l'entourage de Jésus avait cette tendance messianique, puisque Zacharie lui-même, dans les évangiles, il y a un cantique qui lui est un achid, en fait, on dirait un chant religieux qui lui est attribué au moment de la naissance de son fils, où il dit « Loué soit le Seigneur, il a fait apparaître un puissant sauveur, c'est le Messie, pour nous, c'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps. Par ses saints prophètes, il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis, c'est important, on va revenir dessus après, et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. » Voilà. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'avènement de Yahya, de Jean-Baptiste pour les chrétiens, qui, devenu adulte, prend la succession de son père Zacharie dans cette voie, dans l'enseignement. C'est un prophète d'abord, c'est un nabi, et qui a aplani le chemin, comme c'est dit dans les évangiles, pour la prédication, la darwa de Jésus, alayhi salam. Voilà, donc maintenant, je m'intéressais, avant de passer à l'étude de l'enseignement de Jésus, à une transformation du concept de nazaréisme. En fait, il y a le terme nasar, au pluriel nasrani, au singulier, qui donc existe dans le Coran, et qui chez nous définit les chrétiens, a eu une histoire. Donc c'est un terme qui existait avant Jésus, qui ne définissait qu'une petite communauté religieuse minoritaire au sein du judaïsme, qui était fidèle à la voix des anciens prophètes juifs. Et dès que Issa, Jésus, est admis comme prophète et messie par une partie des juifs, que Sadara commence à avoir un écho, le terme de Nazaréen, Nasara, va se transformer. Ça ne va plus être les gens qui appartiennent à ce petit groupe religieux qui vit dans le nord de la Palestine, en Galilée à l'époque, c'est la région de la Galilée, et qui est limité en nombre de fidèles. Ça va être toutes les personnes qui vont suivre, qui vont avoir foi en Issa, qui vont le reconnaître comme prophète. Donc c'est la première transformation de ce concept qui va encore subir une autre transformation après la disparition de Jésus, comme on le verra peut-être en conclusion. Voilà. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, qui est la voix de Jésus. Tout d'abord, je voudrais faire une remarque sur... puisque j'ai été amené à relire les évangiles récemment pour préparer cette conférence, une remarque que tous les auteurs qui ne sont pas dans une perspective chrétienne, qui n'ont pas une croyance chrétienne, qui ont étudié la Bible et les évangiles, font tous cette même remarque, qui est l'éloignement, l'écart fondamental qui existe entre le discours chrétien et le discours de Jésus. Je suis obligé de remarquer ça parce que c'est flagrant en fait, et à tel point qu'on peut théoriser cela en disant qu'il y a deux aspects, il y a deux attitudes du discours chrétien, donc que le discours, ce qu'on appelle le christianisme actuel, c'est la branche paulinienne de tradition trinitaire, parce qu'il a également existé une branche paulinienne, des gens qui se réclamaient de Paul de Tarse, mais qui était unitarien, mais c'est une branche qui a disparu dans l'histoire, qui a disparu en 610 de l'ère chrétienne exactement. Ça, c'est un autre sujet. Et donc le christianisme sous sa forme actuelle, malgré sa diversité, il existe bien sûr pas mal de familles de christianisme, ont deux attitudes vis-à-vis du discours de Jésus tel que nous le trouvons dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire les textes qu'eux-mêmes reconnaissent. C'est premièrement l'indifférence vis-à-vis d'une grande partie des sources, c'est-à-dire que quand on lit les évangiles, on est choqué par le fait qu'il y a, je dirais, à vue d'œil comme ça, 80% des actes et des paroles attribuées par Jésus dans les évangiles officiels qu'on ne retrouve jamais dans le discours chrétien. Par exemple, vous n'entendrez jamais un prêtre dire « Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « bande de vipères hypocrites », ça n'existe pas, tout cet aspect-là, il passe à la trappe. La fermeté, la dimension autoritaire du discours de Jésus est complètement éliminée. Et les 20% restants, ils sont décontextualisés. C'est-à-dire qu'il y a des paroles de Jésus, même si on n'a pas lu les évangiles, qu'on connaît tous parce qu'on l'a entendu par la bouche de chrétiens, etc., comme « rendez à César ce qui est à César », etc. Et en fait, qu'on a un minimum de connaissances historiques, voire sociologiques, on s'aperçoit que leur interprétation, elle est complètement fausse, elle ne peut pas tenir. Et par exemple, sur cet exemple, rendez à César ce qui est à César, je renvoie à d'autres études qui ont été faites sur le sujet, mais pour les chrétiens, en fait, depuis le Moyen-Âge, ça a servi à légitimer ce qu'on a appelé plus tard la laïcité, le principe de séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, alors qu'en réalité, c'était pas du tout le sujet, c'était pas du tout de ça dont parlait Jésus. Et donc ça m'amène à deux autres points, qui est la façon dont Jésus, Issa, est représenté dans l'imaginaire chrétien et donc occidental, puisque même dans le monde occidental déchristianisé, il y a cette représentation de Jésus qui est restée, qui est l'universalisme de Jésus, où Jésus, en fait, c'est un sort de philosophe qui s'adresse au monde entier, etc., qui appelle à l'amour et à la paix, etc. Et deuxième chose, l'angélisme. Jésus, en fait, on le représente comme quelqu'un de mou, qui appelle à la paix, à la fraternité, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. En réalité, si on lit de manière objective les évangiles. D'ailleurs, par rapport à la dimension universelle, j'ai trouvé une référence, c'est un Frédéric Lenoir, c'est un spécialiste des religions qui est assez connu, qui a écrit « Le Christ philosophe ». Alors j'ai une citation de lui à propos de Jésus qui dit « Le Christ enseigne aussi une éthique à portée universelle, égale dignité de tous, justice et partage, non-violence, émancipation de l'individu à l'égard du groupe et de la femme à l'égard de l'homme, liberté de choix, séparation du politique et du religieux, fraternité humaine. » Évidemment, c'est des concepts qui n'ont absolument rien à voir avec l'enseignement de Jésus. C'est complètement... Je sais pas comment on peut arriver à une telle conclusion. Et en plus de cela, le discours de Jésus est tout sauf universaliste. C'est qu'en fait, quand on regarde les évangiles, on voit que Jésus ne s'adresse pas à l'homme, puisque par exemple, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain, etc. Ce sont pas des, dans l'imaginaire occidental, on a l'impression que Jésus s'adresse à l'humanité, etc. Alors qu'en fait, il s'adresse à un groupe bien déterminé, à ses contemporains, à des gens qu'il voit devant lui, etc. Et je dirais même qu'il y a trois limitations à sa prédication qu'il met clairement et qui sont présents dans les évangiles canoniques, reconnus par les chrétiens, je précise. C'est, il y a d'abord une limitation communautaire et religieuse, ça veut dire que Jésus, quand il dit à ses apôtres, ne prêchez que les enfants d'Israël, que les brebis perdues des enfants d'Israël, pour reprendre l'expression exacte. Ça veut dire qu'à cette époque-là, en Palestine, en Judée notamment, et en Samarie, en Galilée, c'est les régions alors, qui divisaient les manières administratives de la Palestine à cette époque-là, il y avait des païens, il y avait des autochtones qui étaient pas des Hébreux, il y avait ce qu'on appelait des Cananéens, par exemple, il y avait ce qu'ils appelaient à l'époque les Ismaélites, des Arabes, qui étaient des polythéistes, et Jésus ne s'intéresse pas du tout à eux, les écarte complètement son discours, lui, il s'intéresse exclusivement aux Juifs. Et d'ailleurs, il écarte aussi les païens étrangers, puisqu'à l'occupation romaine, il y a pas mal de Romains qui vivent dans la région. Et même, pour dire à quel point cette limitation est stricte, il exclut même ce qui est la secte des Samaritains. Les Samaritains, dans le fiqh musulman, certains fouqahs musulmans, les Samariyines, on les assigne même aux Juifs comme une branche descendante du judaïsme. Ils sont très proches, même visuellement, dans leur pratique, etc., des Juifs. Et en fait, la différence, c'est qu'eux, ils ne reconnaissent pas Moïse comme prophète, mais Haroun, son frère. Et donc, ils avaient d'ailleurs, ils vivaient la plupart en Samarie. C'était la province à l'époque. Et d'ailleurs, pour l'information, il existe une secte, enfin, c'est une religion qui existe encore à l'heure actuelle dans la région de Naplouse, en Palestine. Et Jésus les rejette, même eux, complètement de son message et met en garde, en fait, ses apôtres de lui prêcher. Pour lui, il faut exclusivement prêcher les juifs, les gens qui appartiennent aux Bani Israël, aux Israélites. Et à tel point que cette ségrégation est si importante que dans certains passages de l'Évangile, on vient même à comparer, certes de manière métaphorique, mais à comparer les non-juifs à des chiens, puisqu'il est dit, quand une cananéenne, donc c'est une polythéiste, une païenne qui s'adresse à lui pour solliciter un miracle, il répond, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et les seules fois en fait qu'il accorde, il y a deux, d'après les évangiles qu'on a, il y a seulement deux fois où Jésus aurait accordé des miracles à des non-juifs. Donc dans ce cas-là, puisque en fait cette cananéenne insiste auprès de Issa alayhi salam, et donc elle répond notamment, c'est vrai maître, dit-elle, pourtant même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit, oh que ta foi est grande. Dieu t'accordera ce que tu désires. Et un autre cas, c'est le cas du centurion, c'est un capitaine romain qui vit en Palestine et qui a pas mal de serviteurs et qui a foi en Jésus. Et comme il sait que Issa ne va pas l'accepter, il envoie un serviteur à lui, des intermédiaires qui sont juifs, pour lui solliciter, pour l'aider à guérir l'un de ses serviteurs qu'il aime beaucoup. Et donc je vous cite le passage. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance. C'est les deux fois où Jésus accorde des miracles à des non-juifs. Et à chaque fois, la sollicitation vient des non-juifs et avec insistance, quoi. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite à sa darwa, c'est une limite géographique. C'est qu'en réalité, Jésus, il existait à cette époque-là, on est avant la diaspora, il n'existe pas encore, les Juifs n'ont pas encore été forcés à l'émigration en dehors de Palestine par les Romains, mais il existe, comme à notre époque, j'ai encore un lien avec notre époque, des musulmans qui vivent en terre occidentale, c'est un phénomène assez récent, il existe des communautés juives qui sont disséminées dans tout l'Empire romain, jusqu'à Rome d'ailleurs, depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ, et Jésus ne s'intéresse pas du tout à eux. Alors ce sont des Juifs, ils ont des synagogues un peu partout dans l'Empire romain, et il donne cette condition à ses apôtres, et il dit, Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes, évitez les régions où habitent les non-Juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie, parce qu'en Samarie, il y a une forte concentration de Samaritains, justement, aller plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Et en fait, ils sont exclusivement allés en Judée et en Galilée, et ils ne s'intéressaient absolument pas à ce qui se passait en dehors de ces deux contrées-là, de ces deux provinces. Et enfin, il y a même une troisième limite, que j'appelle une limite sociale et doctrinale, c'est à l'intérieur des Juifs qui vivent en Palestine, même autour de Jérusalem et en Galilée, Jésus, nous allons le voir, je reviendrai sur ce point-là plus tard, exclut d'office notamment les deux grands courants dominants que sont les Sadducéens et les Pharisiens, qui le méprisent totalement. Les Sadducéens ne leur parlent pas. Il y a qu'un seul, le seul contact avec eux, d'après les évangiles, d'après les textes qu'on a. Donc, c'est un moment, c'est les Sadducéens qui lui envoient des intermédiaires pour lui poser une question sur la question de l'immortalité de l'âme, puisque ils sont tellement assimilés à la culture gréco-latine qu'en fait, ils ont abandonné le dogme de l'immortalité de l'âme. Et donc, ils vont, comme Jésus est devenu célèbre, ils envoient quelqu'un pour lui poser la question. Il répond assez de manière neutre et rapide. Il n'insiste pas. Il ne va vraiment pas vers eux. Il les méprise complètement. Et les pharisiens, là, il est très souvent en contact avec eux, mais de manière toujours, de manière agressive, il les rejette. C'est lui, en fait, qui prend l'initiative d'être agressif, parce qu'en réalité, on le comprend très vite, aucun espoir avec eux. Il sait que ce sont des gens qui sont nuisibles et il ne veut absolument pas les intégrer à son discours, à son mouvement. Il va exclusivement les rejeter et mettre en garde tous les juifs, toute la masse, contre ces gens-là. Donc, nous allons venir... Ah oui, concernant un deuxième point, parce que j'ai dit que dans l'imaginaire chrétien et occidental, en fait, Jésus est à la fois universaliste et angéliste, on va dire. C'est aussi donc l'aspect angéliste de Jésus, ce qui paraît, ce qui saute aux yeux quand on lit les évangiles, c'est au contraire qu'il a un discours très ferme et très autoritaire. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il met en garde contre une interprétation donc occidentale, je vais dire, de son propre discours, puisqu'il dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. » Ça fait penser à un hadith vrai, « Laqad ji'tu kum bidhabh » d'ailleurs. « Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Et ça, c'est pas un passage que j'ai décompté, que j'ai sorti d'une... Je ne sais où, c'est répété constamment dans les évangiles, dans les autres évangiles, ça c'est l'évangile selon Matthieu, dans l'évangile de Marc, c'est la même chose. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? » Non, je vous le dis, mais la division, la fitna, quoi. C'est ça, à peu près l'équivalent, je pense, le concept doit être à peu près équivalent. Donc je ne sais pas comment on peut passer à côté de ces références. Et d'ailleurs, il est remarqué, il y a Luc, qui est un des évangélistes, donc qui rédige l'évangile, qui fait la remarque dans ce chapitre, qui dit que Jésus parlait avec autorité. Il dit « Les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. » Et d'ailleurs, pour lui... C'est une des raisons de l'adhésion et du succès de la darwa de Jésus, parce que justement, les gens cherchaient une autorité, ils en avaient marre du discours des Sadducéens, qui était un discours conformiste, et pareil pour les pharisiens. Et donc c'était même vraiment en réalité une recette de succès de son discours. Et on voit même à tel point, j'ai une autre référence également, on voit que Jésus, on vient des fois être agressif, voire irrité avec son propre entourage, certaines fois avec ses apôtres, il est dit... À un moment où il envoie ses apôtres pour guérir quelqu'un et qu'ils n'y parviennent pas, il dit « Jean mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous ? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ?» Donc on voit que ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a ici de Jésus. Et d'ailleurs, je conclurai là-dessus en disant que c'est cohérent avec la mission de Jésus, de Harissa, puisque lui, c'était un prophète réformateur et non un prophète fondateur. Il n'est pas venu pour fonder une communauté. C'est pas du tout la même situation que le prophète Mohammed, qui était en contact avec des païens, avec des gens qui n'étaient pas du tout touchés par la révélation, à qui il fallait vraiment enseigner tout de A à Z, où là, c'était des qualités, où la bonté, la mansuétude, la miséricorde étaient très importantes pour toucher ces gens-là. Jésus, lui, vient, apparaît au milieu d'un peuple qui est censé avoir reçu la révélation, qui prétend en plus être fidèle à Dieu et à ses commandements. Et donc lui, il est révolté en fait par ce qu'il voit, et donc d'où cette attitude agressive, où il est parfois même irrité par ses contemporains, par les juifs. Maintenant je vais passer à un autre aspect de sa darwa qui m'a interpellé. C'est le fait que... attendez, j'ai oublié quelque chose sur ce sujet. Je vais continuer sur l'aspect autoritaire, etc., sur le discours de Jésus. Et un autre aspect, c'est qu'en fait, Jésus utilise même parfois l'arme de la provocation, en fait. C'est ça qui m'a étonné aussi, qui revient de manière récurrente dans tous les évangiles. C'est-à-dire que pour créer le débat, notamment avec les pharisiens, il va des fois créer des situations... Qui va les choquer, en fait, ce sont des gens très convenus, très conformistes, il veut les choquer pour, en fait, créer le débat. Donc j'ai ce passage, notamment, où je vais vous le citer. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures. Parce qu'en fait, là, je vais faire une parenthèse. Il y a, comme à notre époque, en fait, il y avait la Torah, les commandements, etc. Et il y avait pas mal de traditions qui avaient été ajoutées, ou des contraintes, très des petits détails, on dirait, de faire qu'à notre époque, par exemple, pour essayer de faire une comparaison pour avoir ça, pour bien comprendre la situation. Et donc les pharisiens étaient d'ailleurs très ritualistes, justement, et mettaient en avant tout cet aspect rituel et individuel et quotidien de la pratique de la religion. Et on voit que, en fait, Jésus va rebondir là-dessus pour essayer de mettre en avant leur hypocrisie. C'est-à-dire, donc, ils n'avaient pas lavé leurs mains selon la coutume. La tradition, entre la tradition et la coutume. La tradition, c'est la sunna, on va dire. Et la coutume, c'est ce qui est coutumier, ce qui a été imposé au fil des siècles parmi la population et qui s'est figé et qu'on a ajouté que pour le juif de base, en fait, ça, c'est aussi important que la tradition, alors que ce n'est pas le cas. Et on trouve à peu près ce phénomène à moindre échelle chez les musulmans à notre époque. On n'arrive plus trop à faire la distinction entre des fondements vraiment tirés du Coran et de la Sunna, avec des petits détails de fiqh qui sont ajoutés au fil des siècles. Il y en a certaines tendances qui vont mettre tout au même niveau, et ce qui pose des fois certains problèmes. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Alors on va voir que Jésus profite de cette remarque pour leur reprocher de pratiquer les rites quotidiens avec assiduité, sans que cela n'émane d'une véritable fidélité au principe et à la foi, en fait. Donc là, on va rentrer dans un autre débat qui est la relation entre la foi et la loi, pour utiliser des termes qui nous sont plus familiers en tant que musulmans, entre l'amal ou niyya, par rapport à l'allusion au hadith, l'amal a'mal ou binniyat, la relation entre l'action qu'on va faire et l'intention qui est derrière, la foi, etc. Jésus leur répondit: Isaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet: vous êtes des hypocrites. Ainsi qu'il l'écrivait: ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Alors là, on voit que les propos de Jésus, donc il dit ça clairement, il s'adresse aux pharisiens et aux maîtres de la loi. Il faut imaginer des chouyours, des gens qui ont le titre de chouyours, etc., qui sont là, qui sont scandalisés, c'est le terme qu'ils employaient, par cette virulence. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi? Et on va voir après qu'en fait, Jésus, tout au long de sa prédication, va utiliser de manière fréquente des exagérations, des images fortes qui ont pour but de choquer, des fois, interpeller son auditoire, bousculer le discours qui est conformiste à l'époque, et imprégner aussi son propre discours avec plus de force. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut, à mon avis, comprendre certains passages, certaines paroles qui sont attribuées à Jésus dans les évangiles, où en fait il va exagérer volontairement pour mettre en avant, en fait, toute l'hypocrisie des gens auxquels il s'adresse. Par exemple, en dénonçant, en fait, le fait d'être la cause d'un péché chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le fait de, on dirait par exemple, d'instituer une mauvaise sunna, par exemple, une sunna négative. Je ne sais pas si vous avez compris, par le sunna dans le sens sunna prophétique. Donc, sunna dans le sens, on va faire quelque chose et on va être suivi, on va être imité pas dans cet acte négatif. Comme par exemple le fils de Adam qui tue son frère, c'est le premier crime de l'histoire, c'est une sunna c'est une sorte de forme de sunna, et tous les criminels, ou dit un hadith, qui assassinent, suivent la sunna de cette personne-là. Et donc, à ce propos-là, bon, il ne parle pas d'une chose aussi grave, il parle de choses quotidiennes, il dit: il vaut mieux se suicider, en gros, c'est l'image qu'il donne Jésus, mais que d'être responsable, qu'être la cause volontaire ou non, de péché de quelqu'un d'autre. Je cite: Jésus dit à ses disciples: il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher, mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt que de faire tomber dans le péché un seul de ses petits. Voilà, donc c'est un procédé verbal qu'on trouve chez Jésus, qu'on ne trouve pas chez le prophète Mohammed, c'est vraiment l'exagération pour vraiment marquer les esprits. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre d'autres passages. Par exemple, quand il dit: eh bien, moi, je vous le déclare, hein, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Donc voilà, pareil, moi j'ai commencé par citer ces passages, où là c'est clair, c'est évident qu'en fait il exagère volontairement, pour frapper son auditoire. Pour maintenant, vous citez un autre passage qui est très connu, qui est répété par les chrétiens, ou qui est très connu dans le monde occidental et qui prouverait soi-disant l'angélisme de Jésus. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donc voilà, c'est pareil. Moi, il faut comprendre ça comme une exagération verbale pour frapper l'auditoire et non comme une forme de pacifisme, etc. Maintenant, je voudrais venir à ce que j'appelle la redéfinition de la fonction messianique. Ce que j'ai remarqué dans les évangiles également, en les relisant, c'est que pour les juifs à cette époque-là, notamment les juifs qui sont messianistes, qui attendent le Messie, pour eux, le Messie, c'est à la fois un chef de guerre et un dirigeant. Parce que pour ces gens, pour ces courants minoritaires au sein du judaïsme, qui sont conscients de la gravité de l'occupation, de fait d'être occupés par une puissance étrangère et païenne notamment, qui sont des gens qui sont attristés par l'état de corruption de cette société juive, qui se prétend être la nation des croyants, pour eux, ce Messie qui a été promis par Dieu sera forcément un chef de guerre qui pourra bouter les Romains hors de Palestine, première chose, et deuxièmement, reconstruire ce qui était appelé à l'époque le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les Juifs vivaient dans la nostalgie du royaume de David et de Salomon, qui étaient bien sûr des modèles. Et comme nous, par exemple, on vit dans la nostalgie de l'Khilaf al-Rashida et des anciens, de l'âge d'or de l'islam. Et on souhaite, et on sait, nous aussi, que tôt ou tard, Inch'Allah, ça reviendra. Et donc, eux, ils avaient tendance à définir ce Messie comme quelqu'un qui allait être un chef de guerre et un roi, puisque c'est le sens réel du terme Messie à la base, loin, celui qui a reçu l'onction divine et qui est un roi, un dirigeant saint qui applique la loi divine et qui est donc un homme saint et qui mérite ce pouvoir. En fait, on s'aperçoit que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus, sans doute, parmi ses premiers disciples, a eu beaucoup de zélotes et d'esséniens, parce que des gens qui étaient messianistes, et quand il était déclaré Messie, ils se sont dit « voilà enfin le Messie qui va venir pour libérer le peuple d'Israël de l'Empire romain et reconstruire le royaume de Dieu, justement ». Et en fait, Jésus est venu en prédicateur. À cette époque-là, je ne peux pas m'empêcher de le préciser, puisqu'en fait, on sait par les hadiths dans la Sunna islamique, en fait, dans la deuxième venue de Jésus, là, il sera réellement un chef de guerre et un dirigeant, mais pas pour la société juive, parce qu'on verra pourquoi d'ailleurs. Et pour les Juifs de l'époque, il est venu en tant que prédicateur. Il est resté, d'après les sources chrétiennes, il est resté environ 3 ans, entre le moment où il a commencé sa da'wa et le moment où il y a eu l'épisode de la crucifixion. Et après l'ascension, la disparition de Jésus, donc il serait écoulé à peu près 3 ans. Et en fait, il n'a été que prédicateur. Et on sent dans les évangiles, à un moment donné, une certaine lassitude chez les fidèles, chez ses disciples, qui sont sans doute originaires de ces courants zélotes, esséniens, etc., qui sont le Messie, puisqu'au bout d'un moment, ils se disent, en gros, bon, maintenant on a fait Darwa, c'est très bien, mais à quand, en gros, la guerre, à quand on va virer les Romains, à quand Jésus va devenir un chef de guerre, et à quand il sera un dirigeant? Et cette question, elle est répétée plusieurs fois dans les évangiles, c'est « à quand le royaume de Dieu ?» Donc, là, je vais vous citer, par exemple, un passage. « Ceux qui étaient réunis autour de Jésus lui demandèrent, « Alors, maître, est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume de Dieu ?» Donc déjà, je remarque, « Est-ce qu'en ces temps-ci » Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Déjà, il y avait une conscience chez les gens, l'entourage de Jésus, qui avait deux époques à Jésus, qui avait cette époque présente, il y avait sans doute une époque dans l'histoire, à la fin des temps, où il reviendrait, puisque est-ce que cette époque-là, en gros, ou est-ce que c'est l'autre? Et Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendra les temps et les moments. » Et ça, on a plusieurs passages où ça se répète, même des fois, c'est les pharisiens qui lui posent la question, d'ailleurs. À quand le royaume de Dieu? Maintenant, ça fait longtemps que tu prêches, etc. Maintenant, il faudrait vraiment créer ce royaume d'Israël, etc. Comme nous, on nous dit à notre époque, maintenant, on est précis, on voudrait vraiment avoir le khilaf. Maintenant, il faudrait le faire tout de suite. Et en fait, Jésus, à ce moment-là, redéfinit la fonction messianique, redéfinit la fonction du Messie. Parce qu'il lui dit, en gros, il y a plusieurs réponses qu'il donne, mais il dit, c'est pas le moment. Et il parle toujours de changer le comportement. En fait, on en vient à ce que j'appelle, moi, la dialectique du vautour et du cadavre. C'est une parabole qui est utilisée par Jésus, parce qu'à un moment donné, il est interpellé une énième fois par ses disciples à ce sujet. Et lui, il commence par leur annoncer les calamités qui vont s'abattre sur eux. En fait, on comprend que c'est la guerre, ce qu'on appelait d'un point de vue historique la première guerre judéo-romaine qui s'est passée à peu près 40 ans après la disparition de Jésus, vers 70 après Jésus-Christ, où les Juifs zélotes se sont révoltés contre Rome. Il y a une répression terrible des Romains. C'est là que le deuxième temple de Jérusalem a été détruit définitivement, enfin jusqu'à nos jours en tout cas. Et pendant qu'il décrit toutes les calamités, puisque c'est là qui a commencé ce qu'on a appelé la diaspora, où les Juifs ont été de force expulsés par les Romains de Palestine et de Jérusalem, ses disciples lui rétorquent « Où cela se passera-t-il, maître ? Où cela se passera ces calamités ?» Il répondit « Où sera le cadavre ? Là aussi se rassembleront les vautours. » Donc le cadavre, c'est une métaphore pour désigner la société juive, là, qui se prétend une société fidèle à la révélation. Donc symboliquement, le concept de cadavre, de mort, etc., dans le discours des prophètes, très important, ça veut dire ils sont morts spirituellement. C'est que vous êtes là, vous prétendez être le peuple élu de Dieu, etc., mais en réalité, vous êtes morts d'un point de vue spirituel, vous n'êtes vraiment pas du tout fidèle à la révélation. Là sera les vautours. Donc il parle de la Palestine, il dit en fait que c'est à Jérusalem, puisque là est le cadavre, donc le peuple juif. Là sera les calamités, là sera les vautours, qui sont là en l'occurrence les légions romaines de l'empereur Titus qui sont venues tout détruire. Et dans cette comparaison, cette dialectique du vautour et du cadavre nous permet de comprendre ce que voulait dire Jésus, comment Jésus redéfinit sa fonction messianique à ce moment-là, par la prédication et par la réforme, on dirait, l'islam, au sens islamique du terme. C'est qu'en fait, en gros, il dit... Avant de vous occuper des vautours, qui est l'ennemi extérieur, il faut d'abord s'intéresser à l'ennemi intérieur, qui en gros, là, en l'occurrence, c'était vous-même, puisque vous êtes dans un tel état de corruption et de dégénérescence interne, de toute manière, vous n'avez aucune chance de venir à bout des adversités extérieures. Avant de penser à faire le royaume de Dieu, à combattre les Romains, il faut d'abord vous réformer. Et c'est pour cette raison qu'on comprend que Jésus est venu en prédicateur, c'était un prêcheur. Et c'est parce que pour lui, il y avait cette première phase fondamentale d'islah, de réforme, qui était indispensable pour pouvoir ensuite se tourner vers les adversités extérieures et pouvoir combattre les vautours. Donc pour reprendre cette parabole, au lieu de combattre les vautours avec un cadavre, il faut d'abord redonner vie à ce cadavre, à cette société, à cette nation, avant de se tourner vers les adversités extérieures, puisque si le corps reprend vie, ça, les charognards et les vautours, de toute façon, n'auront aucune prise sur ce corps, en fait. Voilà pour ce point-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour que cette conception... il a apporté cette idée-là, puisqu'il n'existait pas. Il y avait, à cette époque-là, donc une partie des Juifs qui ne s'intéressaient pas à ces questions politiques, historiques, etc., qui, eux, s'accommodaient de la situation présente et qui ne s'intéressaient pas, et ne s'étaient pas du tout attristés par l'occupation étrangère et par les calamités qui s'abattaient sur eux. Et parmi la minorité de Juifs qui étaient conscients de cela, Jésus a redéfini chez eux, en fait, le rapport entre la réforme interne et l'adversité extérieure. Et on trouve dans la sunna le même rapport, le même concept. Par exemple, dans le Coran, je vais commencer par le Coran. « Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir » Tout malheur qui vous frappe ne peut être que le fruit de vos propres œuvres. C'est-à-dire que, en tant que, pour nous, c'est la même chose, en tant que musulmans, tous les malheurs matériels, je vais rebondir sur ce qui avait été dit avant moi par notre frère qui parlait de l'intérêt, al-maslaha, tout à l'heure. J'en profite pour faire une petite remarque sur le sujet. C'est qu'une particularité de la Oumma, c'est que nos valeurs et nos intérêts sont concordants. C'est-à-dire que si nous appliquons les valeurs islamiques, de fait, nos intérêts matériels, notre force politique, notre force militaire, notre force économique, va se faire toute seule. Ce qui est le contraire en Occident. L'Occident, c'est une civilisation où les valeurs et intérêts sont incompatibles. C'est-à-dire le dilemme qui est propre à cette civilisation occidentale, c'est qu'ils n'arrivent jamais à concilier ce que moi j'appelle l'Occident réel et l'Occident idéal, l'Occident des idées. Par exemple, je donne un exemple bref pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est que la démocratie qui est la valeur occidentale, s'ils l'appliquent en dehors de leurs frontières, ce sont toujours des... contre leurs intérêts, c'est pour ça qu'ils sont obligés dans certains cas d'annuler des élections, parce qu'en fait ça ne correspond pas à leurs intérêts matériels. Leurs valeurs et leurs intérêts ne sont pas concordants, sont incompatibles, et ça c'est en fait une sunna des tyrans, des tawarites de tous les siècles, et on trouve pas mal de hadiths sur le sujet, où on voit qu'en fait les tyrans n'arrivent jamais à accorder les deux, alors qu'inversement la communauté des croyants, si on est fidèle à nos principes, si on est fidèle à la révélation, de fait, nous pourrons prospérer à tous les points de vue matériels. Et ça, jusqu'à présent, beaucoup de musulmans l'ignorent et pensent qu'il faut sacrifier des parties de notre religion pour pouvoir nous élever, etc. C'était notamment la thèse maintenant qui est passé de mode dans les années 90, 70, bien avant même, du nationalisme, du socialisme arabe, où on disait, voilà, pour sortir du sous-développement de nos pays musulmans, il faut faire copier l'Occident et nous amputer de nos valeurs, comme l'ont fait en Occident, parce qu'ils n'ont pas compris la sunna de la Ummah qui fonctionne de manière inverse. Et donc c'est la même chose, le Coran revient beaucoup, dans le Coran revient beaucoup là-dessus, c'est tous les désavantages matériels n'est que le fruit, et donc l'invasion et la tutelle extérieure, le fait qu'à l'heure actuelle les terres d'islam peuvent être totalement violées par des puissances extérieures et non musulmanes, c'est la conséquence de notre propre faiblesse, de notre propre en fait infidélité à la révélation et notre incompréhension de notre propre religion qu'on prétend pourtant professer. Et il y a d'autres, bon, rapidement, je vais citer d'autres versets du Coran, ceux qui vont dans le même sens. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyuziqahum ba'd allazi ya'malu la'allahum yarji'un. Donc la corruption est apparue sur terre et sur mer du fait des agissements des hommes. Dieu leur fera expier une partie de leurs péchés afin qu'ils reviennent peut-être de leurs erreurs. Et il y a cet autre verset de Surat al-Imran, qui est assez précis puisqu'il nous met dans le contexte militaire pour faire le lien avec l'époque de Rissa où les juifs aussi étaient concernés par une occupation militaire extérieure. Et awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlayha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Donc ça c'est un verset asbab an-nuzul de ce verset, les contexte de sa révélation, c'était la bataille de Uhud où il y a eu le revers en fait de l'armée à un moment, l'armée islamique a été prise à revers par les koufars, et c'est dit que vous dites comment avons-nous pu mériter ce malheur? Dis-leur, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et en réalité, c'est parce qu'en fait, une partie des archers musulmans avaient désobéi à l'ordre du prophète de rester sur une colline pour pouvoir protéger les arrières de l'armée musulmane. Et là, au-delà du simple fait d'obéir, c'est pas seulement la question d'obéir fidèlement aux ordres de l'émir ou du commandant. Ça allait au-delà. C'est-à-dire que là, la valeur qui était en jeu, c'était le sabre, la tempérance. C'est le fait que là, ce qui était reproché à ces archers, c'est que à un moment donné, ils ont préféré les valeurs matérielles, la tentation de recueillir immédiatement le butin, plutôt que d'être déterminés dans leur action militaire, etc. Ce qui fait que cette valeur, qui est une valeur islamique spirituelle de sabre, de tempérance, de patience, avait une incidence directe sur la réussite matérielle. Donc on voit ici le lien de causalité entre la fidélité à la révélation au principe et l'état matériel. Donc, pour revenir à Issa à l'époque, pour bien comprendre sa redéfinition de la mission messianique, en gros, ce qu'il disait aux Juifs, de toute façon, vous pourrez jamais vaincre l'Empire romain et jamais recréer un royaume juste, unifié, qui unirait les croyants, tant que vous-même, vous ne serez pas imprégné par ces valeurs de la révélation, vous ne serez pas de nouveau redevenu fidèle à tout cela. C'est absolument impossible. Voilà, donc ce point en fait nous fait dire que il faut étudier Jésus en tant que prédicateur sa darwa. Et ça va m'amener à faire une distinction entre ce que j'appelle le message de Jésus et la prédication de Jésus, entre la forme et le contenu en fait. Concernant le message de Jésus, si on peut essayer de résumer sa doctrine en fait à l'époque, qu'est-ce qu'il voulait enseigner à ses contemporains, aux Juifs? Je peux mettre en avant deux points fondamentaux. Le premier, c'est la réforme de la loi. Ça, le Coran en parle très clairement et définit Issa avec cette mission en fait d'épurer en fait toute la dimension juridique qui était très lourde chez les Juifs, qui avait en plus là, c'est un des points de divergence avec la situation chez les musulmans, puisqu'eux, ils ont reçu pas mal, beaucoup de prophètes qui, à chaque fois, pour corriger leurs erreurs, ce qui fait qu'à la époque où Jésus arrive, la loi judaïque est très très contraignante, et Jésus en fait était venu pour en fait alléger en fait une partie de la Torah. Et tout cependant en appelant à la fidélité à la loi, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, comme je l'ai déjà dit, il y avait toute une partie des Juifs qui s'étaient détournés d'enseignement religieux, qui avaient encore l'identité juive, mais qui ne pratiquaient plus tout, et qui tous les aspects de la loi, et qui en plus étaient influencés par les pratiques culturelles gréco-romaines. Donc on a le Coran par exemple, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah. et servant de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Et tous les auteurs qui ont lu les évangiles avec un regard extérieur en sont arrivés à la même conclusion. Par exemple, je vais vous citer Voltaire. Alors Voltaire, c'est pas une de mes références favorites, mais bon, là pour le coup, comme lui, il était dans une démarche critique vis-à-vis du christianisme, en relisant les évangiles, il est revenu à cette conclusion. Il dit, je le cite, « Jésus observa tous les points de la loi, il fêta tous les jours du sabbat, il s'abstint des viandes défendues, il célébra toutes les fêtes, et même avant sa mort, il avait célébré la Pâque, on ne l'accusa ni d'aucune opinion nouvelle, ni d'avoir observé aucun rite étranger, né israélite, il vécut constamment en israélite. » Cette position de Voltaire, elle est subversive vis-à-vis des chrétiens, puisqu'en fait, il dit que, contrairement à la vision chrétienne, il n'est pas venu pour mettre en cause, pour détruire la loi, puisque dans le dogme chrétien paulinien, en fait, Jésus a abrogé la loi de Moïse, et en fait, les chrétiens ne sont plus tenus d'appliquer les interdits alimentaires et les rites juifs. Et c'est pour ça qu'on trouve exactement dans les évangiles des paroles où Jésus insiste là-dessus, où il dit clairement que ses disciples, ceux qui se réclament de lui, doivent absolument pratiquer avec assiduité les commandements de la Torah. C'est pourquoi, dit-il, celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres de faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui parle. Et donc, selon cette parole des évangiles, Paul de Tarse et tous ceux qui le suivent seront les plus petits dans le royaume des cieux, si je suis vraiment la conclusion logique de cette parole. Et d'ailleurs, Arissa, qui était vraiment acharné, qui était très très agressif, qui détestait au plus haut point les pharisiens, sur ce point-là, s'accordait avec eux et incitait ses disciples à imiter en fait les pharisiens là-dessus. Je cite, c'est pourquoi je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Ça serait l'équivalent de notre époque si on disait on peut ne pas être d'accord avec les chouyours de la tendance salafiste séculaire, mais au moins on peut leur reconnaître que sur l'aspect des rites, etc., ils sont très exacts et on peut se fier à eux. On peut suivre leur chouillure, puisque justement ils sont tellement ritualistes, tellement authentiques sur l'étude du fir, de la loi, qu'on doit les imiter sur ce point-là en tout cas. Et c'est le point qui nous rapproche. Donc c'est pour ça, de ce point de vue, Jésus était considéré comme un juif orthodoxe pratiquant. Donc c'est pour ça qu'on voit que Jésus n'a pas fondé de nouvelle religion, bien sûr, mais il se présentait uniquement comme un prophète réformateur. Et il le dit clairement, là encore. Là, c'est dit clairement, il dit « N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. » Et on a le commentaire d'un historien français contemporain qui s'appelle François Blanchière, qui a beaucoup écrit là-dessus, et qui insiste sur cet aspect-là, et il dit, en se basant sur les traductions, que accomplir, en fait, dans le jargon d'époque, forcément, ça veut dire que Jésus voulait vraiment revenir à la pureté de la loi originelle. Ça serait vraiment l'islah, au sens que nous, on donne, en tant que musulmans, à ce concept de réforme, en fait, c'est retour à la loi originelle, à l'enseignement originel. Donc là-dessus, il ne peut vraiment pas avoir de divergence. Et en plus de cela, même si le concept, à ma connaissance, de Bid'a n'existait pas à l'époque, on voit que Issa se lève contre les ajouts et les hérésies qui avaient été ajoutées au fil des siècles. Bon, il y a déjà le verset du Coran qui le dit clairement. « Wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrati wa liyuhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'uni. » Je viens confirmer la Torah et vous abroger certains interdits qui vous ont été imposés. Et on sait par les tafassirs, par les exégèses, qu'en fait, c'était soit des interdits qui ont été inventés par des docteurs de la loi, comme on disait, des chouyours, des relamas juifs, donc c'est des vrais bidards, ou éventuellement des lois, des petits rites qui ont été imposés par des prophètes mineurs, par les multitudes de prophètes qui ont été reçus entre Moïse et Arissa, que Arissa, par miséricorde d'Allah, avait abrogé, en fait, et d'ailleurs, ça, il le dit clairement aussi, on a aussi pas mal de références dans les évangiles où où Jésus s'attaque à ceux qui prétendent être fidèles à la Torah, mais qui en réalité qui en fait donnent une importance trop grande à ce qui est appelé la coutume des anciens. Je cite, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par leurs ancêtres. Ça, c'est une définition qui est donnée par Marc, donc celui qui a écrit l'évangile de Marc, qui précise en fait qu'il y avait une multitude de rites dans la vie des pharisiens, Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin, et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre et les lits. Et en fait, Arissa, Jésus a remis en cause tous ces rites supplémentaires, qui étaient une forme d'innovation, en fait. Et il le dit d'ailleurs clairement. Il dit « Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre tradition ?» Voilà, donc ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Maintenant, concernant le deuxième point, qui est la critique du ritualisme. Parce qu'en fait, à cette époque-là, ce qui était reproché aussi aux pharisiens, c'est qu'ils n'avaient pas le sens des priorités. Donc là, on revient à un thème aussi qui, chez nous, dans l'islam contemporain, est très important et très prégnant, c'est le fait que chez beaucoup de musulmans, toutes tendances confondues, il n'y a plus de notion des priorités, il n'y a plus de hiérarchie dans les commandements religieux, et ce qui entraîne une forme d'hypocrisie. Il disait, là c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens, il leur dit « conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. » Donc ça c'est une parabole. Pour bien mettre en avant, en fait, le fait l'assiduité à pratiquer des rites de moindre importance et en fait passer à côté de principes fondamentaux. Là, à notre époque, c'est vraiment quelque chose d'actuel, puisque on a vraiment le même problème chez nous, c'est que pareil, c'est très bien pour des rites quotidiens, machin là, les musulmans sont revenus à cet aspect-là, mais il manque vraiment les bases sur certains points. Et j'ai aussi cette autre référence au sujet de la loi révélée, où Arissa dit « Malheur à vous, pharisiens, vous donnez le dixième des plantes, comme la menthe et la rue, ainsi de toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Donc là, il y a vraiment la notion de priorité. C'est-à-dire que là, il dit au début, en fait, que il décrit le fait que les pharisiens étaient très scrupuleux à verser ce qui est appelé la dîme, le dixième de tout ce qu'ils touchaient. C'est, bon, on va dire que c'est à peu près l'équivalent de la zakat, c'est l'équivalent pour l'époque, on va dire. Mais à côté de ça, des principes fondamentaux de justice et d'amour fraternel entre croyants, ils passaient à côté. Donc ça, c'est le rapport entre les principes et la loi pratique, l'action de tous les jours. Et il dit, c'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. C'est-à-dire que là, il ne remet pas en cause leur pratique quotidienne. Il sait très très bien d'être scrupuleux pour les détails de la pratique religieuse, mais il faut aussi les fondements. Donc il appelle aussi ses disciples à ne pas négliger le reste. Et donc là, on voit que dans le message chrétien qui se réclame de Jésus, il y a vraiment une incompréhension, puisque eux, ils ont pris le début de la phrase, c'est pourtant là ce qu'il fallait appliquer, ils mettent en avant les principes, la justice, l'amour, etc. Mais ils négligent complètement par contre le reste, c'est-à-dire que les chrétiens n'appliquent pas du tout, ont rejeté complètement la loi, toute forme de loi et de rite, d'application juridique. Maintenant, concernant la prédication de Arissa, concernant la forme du discours, comment il a réussi à imposer en fait son discours. Là, j'ai. D'accord. Ok. Très bien. On va faire une pause et je reprendrai juste après la salate. Donc la dernière partie sur la prédication de Arissa, alayhi salam. Donc en fait. Ce que j'entends par là, c'est sa stratégie de prédication. Quels moyens il a mis en œuvre, etc. Parce que, a priori, si la première lecture des évangiles, on va croire que c'est assez désordonné, que c'est rustique, qu'il n'y a pas beaucoup de moyens à sa disposition, etc. Et en fait, en analysant, on s'aperçoit qu'il y a une vraie méthodologie, une vraie organisation. Et je pense que c'est aussi intéressant pour nous, à notre époque, de faire le lien. Donc la première chose, c'est les étapes de la dharma de Jésus, alayhi salam, c'est-à-dire qu'en fait, on distingue pour quatre étapes fondamentales dans la manière dont il a imposé son message aux Juifs. La première étape, en fait, donc il commence, il est seul déjà, et ça, c'est un prophète, il arrive, il prêche quelques personnes dans son entourage, et la première chose qu'il fait, c'est former un noyau dur de ce qui sont les fameux 12 apôtres. Donc là, je vais vous citer un passage. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Donc, deuxième étape, une fois qu'il a maintenant, formé 12 apôtres qui sont al-Hawariyin en arabe, qui sont vraiment formés et qui ont reçu l'intégralité de son enseignement, il les envoie dans toute la Judée ainsi qu'en Galilée pour prêcher les masses. Ça veut dire qu'en fait, il est aidé par cette élite de missionnaires qui ont pour but de tendre son message, même s'il n'est pas là, dans d'autres villes. Donc, à ce stade de mouvement, du mouvement religieux, en fait, donc c'est un mouvement qui est encore restreint, qui est fragile, ils ne sont pas beaucoup, ils sont minoritaires. Donc il leur recommande de ne pas s'armer, de ne pas prendre d'armes avec eux, d'être dans une attitude, on va dire, pacifique, parce qu'en fait, ils seraient vulnérables, en fait. Je cite, « Ne prenez rien avec vous pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. » Parce qu'ils ne, comme ils ne constituent pas de menace, eux-mêmes ne risquent pas de se faire menacer en fait par les habitants dans les villages où ils se rendent, ou par les autorités, ou même par les pharisiens qui sont hostiles à leur message. Et donc cette deuxième étape de la prédication a pour objectif d'attirer le plus grand nombre de fidèles et de faire connaître en fait sa darwa dans toute la région, dans tout le pays en fait, toute la province. Et deuxième objectif de cette étape, c'est d'identifier les individus réfractaires. Parce que la plupart, les masses ne sont pas allergiques à ce message. Et à la darwa en général, toute forme de darwa, elle marche. Mais elle permet dans un premier temps d'identifier ceux qui sont vraiment allergiques, qui sont complètement hermétiques en fait. C'est surtout ça le premier objectif, plus que de distinguer les gens de valeur. Et là, Raïssa, alayhi salam, demande à ses apôtres, quand ils ont affaire à des individus comme ça, ou voir des villages qui sont entièrement réfractaires, il leur demande de désavouer ces personnes-là. Je cite, « Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos pieds, ce sera un avertissement pour eux. » Et en fait, on retrouve ces étapes de prédication dans la darwa de la plupart des prophètes, et du prophète Mohammed, alayhi salam, dans la sira, parce que... La darwa dans une première étape, c'est toujours de créer chez une frange marginale de gens qui sont complètement mauvais et qui sont irrécupérables, en fait, de faire manifester leur nature, de manière à ce qu'ils soient identifiés et qu'ils ne soient plus dès lors une menace. Et on a ce concept de tawalli dans le Coran, le fait de se détourner. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Donc dit aux gens du livre et aux gentils, êtes-vous soumis à Dieu? S'ils se déclarent soumis à Allah, c'est qu'ils ont pris la bonne voie, mais s'ils s'en détournent, rappelle-toi que ton rôle ne se limite qu'à transmettre le message. Donc on voit que cette darwa de transmettre le message à ce stade-là, et aussi d'identifier les gens qui sont complètement les véritables ennemis et de les isoler de la masse en fait. Et comme pour Jésus, Allah dans le Coran ordonne les croyants de se détourner de ces individus-là. Quand on a vu que des gens sont complètement fermés au message, il y a le concept d'Irad. Là c'est se détourner, mais c'est le croyant qui se détourne de ceux qui se sont détournés en fait. Là j'ai pas avec moi une référence pour illustrer, mais en tout cas c'est un concept qui revient de manière régulière dans le Coran, comme pour Jésus qui demande en fait à ses apôtres de, par le signe de secouer ses vêtements pour montrer qu'on se débarrasse de la poussière qu'on a sur lui qui appartient à cette ville. C'est un moyen de désavouer, de dire qu'on n'a rien à voir avec eux, c'est une forme de bara. Ensuite vient la troisième étape, quand la prédication a porté ses fruits, que effectivement les 12 apôtres ont diffusé le message dans la Judée et qui commence à avoir un mouvement assez conséquent. Issa a constitué une deuxième élite, un deuxième cercle de fidèles, c'est les 72 apôtres. Et en fait, il y a un épisode où on voit qu'une foule le suit, il exige pour choisir ces 72 apôtres, en fait, que ce soit des gens qui fassent preuve d'une totale abnégation envers lui et son mouvement. Il dit « Celui qui vient avec moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. » Donc là, ça fait penser bien sûr à des hadiths du prophète Mohammed qui sont à peu près équivalents dans le domaine. Et il y a même une méthode en fait par laquelle Issa demande aux candidats, entre guillemets, qui sont prêts à le suivre, à devenir le deuxième cercle d'apôtres, de missionnaires, on va dire, de faire de l'introspection, en fait, de réfléchir sur eux-mêmes et d'examiner s'ils se sentent vraiment déterminés, s'ils sont vraiment motivés pour mener cette mission jusqu'à bout. Et il donne deux paraboles, dont l'une que je vais vous citer, qui est la parabole de la construction de la tour. Il dit « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui. » Donc, pour lui, il faut absolument que ces personnes aient une motivation sans faille et qu'avant de se lancer dans une prédication, ils doivent d'abord réfléchir. Donc, réfléchir avant agir, ça aussi à notre époque, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête, de vraiment se poser avant d'agir. Ça, chez nous aussi, malheureusement, il y a ce défaut-là. Donc après, je vais vous lire le passage également qui parle de l'épisode où, en fait, il choisit les 72 apôtres. Après cela, il choisit 72 apôtres, 72 autres hommes, et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Donc là, on voit que dans cette troisième étape, en fait, cette darwa prend une nouvelle ampleur, elle est beaucoup plus systématique. Et cette fois-ci, comme il y a déjà un écho, il y a déjà un mouvement qui est en marche, il demande à ses disciples d'être un peu plus ferme et d'être vraiment plus menaçant cette fois-ci envers ceux qui sont vraiment réfractaires au message. Il dit « Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Je vous le déclare, au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. » Et Jésus, d'ailleurs, après cette étape-là, lui-même, a adressé aux villes et aux villages qui ont rejeté ces missionnaires, ces apôtres, de terribles menaces. Il dit « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. » Il allait devant les villes, il les maudissait, en fait. Et enfin, la quatrième étape, où là, vraiment, le mouvement est consolidé, etc., Jésus prépare ses fidèles à l'affrontement. C'est le terme dans l'évangile de Luc, par exemple, il est dit, le chapitre est consacré à ça et s'appelle « Se préparer pour la grande épreuve ». Et là, il y a un changement dans la stratégie de prédication de Rissa, puisque les apôtres de Jésus ne doivent plus être de simples prêcheurs, mais doivent être capables de se défendre contre les forces adverses. Et ça, c'est un passage aussi, je le note, qui est complètement éliminé du discours chrétien, puisqu'il dit « Puis Jésus leur dit, quand je vous ai envoyé en mission sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?»« De rien, répondirent-ils. » Alors il leur dit « Mais maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre, de même que celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. » C'est-à-dire que à ce moment-là, comme c'est un mouvement qui est constitué, qui constitue une menace déjà pour les autorités en place, et que donc eux-mêmes sont menacés, il appelle ses disciples à se tenir prêts à se défendre, et voire même il y a des historiens occidentaux qui ont mis l'hypothèse qu'en fait, comme on sait qu'il y a pas mal de disciples du RSA qui étaient originaires des courants zélotes, qui étaient des courants qui mettaient en avant la dimension militaire, etc., qu'il aurait utilisé ses disciples pour en fait constituer en fait une avant-garde, une sorte de protection personnelle. Et ça aussi, les évangiles canoniques reconnus par les chrétiens minimisent un peu cet aspect-là. Parce que pas mal d'auteurs ont remarqué que l'épisode célèbre l'expulsion des marchands du temple, qu'il était inconcevable qu'à lui seul, il ait pu expulser avec un fouet, mettre fin au marché. Parce qu'il est dit, en fait, dans ce passage, qu'il est rentré dans un marché, dans le marché autour du temple où il y avait les marchands, etc., et qu'il aurait seul... Enfin, dans la version chrétienne, il n'y a pas mention d'autres personnes avec lui, comme s'il lui-même était rentré dans le marché et avait réussi à mettre fin à l'activité et virer tout le monde. En fait, il paraît plus vraisemblable qu'il avait avec lui un cercle de disciples qui étaient soit pas forcément armés, mais qui assuraient sa protection et qui étaient avec lui pour ce genre de descente, on va dire. Et donc on voit qu'à travers ces quatre étapes de prédication, Jésus parvient à structurer son mouvement en établissant une hiérarchie en quatre niveaux. Il y a lui d'abord qui est bien sûr le prophète emblématique. Il y a le premier cercle, les 12 apôtres qui est le premier cercle. Le troisième cercle, c'est le cercle des 72 missionnaires. Et enfin, la masse des fidèles qui le suivent. Ensuite, deuxième aspect de sa prédication, c'est le fait que son discours soit dirigé contre les courants dominants et les élites. C'est-à-dire que aussi bien il peut, avec les masses, on va le voir, il est assez doux, il est pédagogue, contre les Sadducéens qui eux contrôlent, c'est la tendance religieuse, qui contrôlent ce qu'on appelait la haute hiérarchie du temple, qui était vraiment l'équivalent, on va dire, des grands, par exemple à notre époque, pour faire encore une comparaison, ça serait par exemple les grandes organisations de Rolamec qui existent, etc., qui vraiment sont considérées comme des autorités absolues en matière religieuse, et le mouvement pharisien qui est plus populaire, qui contrôlait plus les synagogues, etc., comme on a l'heure actuelle où le mouvement salafiste séculier est plus présent au niveau populaire dans les mosquées et pas à l'échelle, pas à une autre échelle en fait. Et donc envers ces élites autoproclamées religieuses ainsi que les élites politiques, puisque comme Hérode par exemple qui était une dynastie de rois juifs qui avait été installée par les Romains qui sont une élite politique locale, il est très agressif envers eux, envers ces élites, et il les remet en cause, il remet en cause leur autorité. Concernant les Sadducéens et les Pharisiens, il répète à plusieurs reprises, gardez-vous du levain des Sadducéens et des Pharisiens. Donc ça, on peut le comprendre de manière immédiate, comme le fait que, bon, bien sûr, il met en garde ses disciples contre ces deux courants. Mais j'ai remarqué que gardez-vous du levain, le levain, il y a une symbolique derrière. En fait, les Sadducéens, sans doute, moi je pense que ça signifie ça, qu'en fait, il anticipe la naissance après lui et en son nom, sous prétexte de Issa, bien que lui il en soit innocent, du christianisme et du judaïsme, puisque le mouvement, ce qu'on appelle le judaïsme à l'heure actuelle, ce n'est pas le judaïsme à l'époque de Jésus, puisque tous les courants esséniens et autres ont disparu, il ne reste que le courant pharisien. En fait, le judaïsme et les juifs à l'heure actuelle ne sont que les descendants du courant pharisien en réalité. Et les Sadducéens, qui étaient donc des juifs hellénisés, soumis à l'influence extérieure, on va dire, gréco-romaine, eux ont donné naissance indirectement au christianisme, qui est une forme hellénistique, une interprétation hellénistique en fait du message de Jésus. Donc quand il dit, c'est une hypothèse, mais c'est très vraisemblable, gardez-vous du levain des Sadducéens et des Pharisiens, il anticipe la naissance de ces deux religions, et de la voie médiane qui est la sienne, et qui plus tard est celle de l'islam, qui est au milieu. Et là, on voit toujours dans cette hostilité contre les Sadducéens et les Pharisiens qu'il est dans la droite lignée de Yahya, de Jean, qui avant lui, d'après les évangiles, avant même que Issa commence sa prédication, était très très hostile, très agressif envers eux également. Il y a un passage où il dit, Jean, c'est au moment où en fait Yahya baptise d'après les évangiles des gens qui viennent à lui, ils commencent à fuir, à nourrir le mouvement nazaréen avant que Issa se proclamé prophète. Jean vit que beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors, « Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche, montrez par vos actes que vous avez changé de mentalité. » Donc il y a pas mal d'épisodes comme ça où on voit que tout ce courant-là, même ceux qui sont autour de Issa, comme Yahya qui est un prophète, avaient une, on va pas dire une haine, mais une très forte hostilité envers ces deux courants. Et on remarque autre chose, c'est qu'ils sont plus agressifs envers les pharisiens qu'envers les sadducéens. Il y a encore ici une hiérarchie. Par exemple, les expressions hypocrites, conducteurs aveugles sont réservées aux pharisiens. Et je pense que ça s'explique assez naturellement par le fait que les sadducéens ne sont pas justement hypocrites, dans le sens islamique du terme, dans le sens où ils assument, ils sont, on va dire, ouverts ils collaborent politiquement avec Rome, ils sont ouverts sur la philosophie et la culture grecque, et ils l'assument complètement, même de leurs pratiques, etc. C'est donc eux, en fait, ils sont. Leur nature réelle est claire et ils ne s'en cachent pas. Alors que le problème des pharisiens, c'est qu'ils se présentent auprès du peuple comme des gens extrêmement pieux, fidèles à la religion, et qu'en fait, Issa leur reproche d'être complètement, d'avoir trahi en fait la relation, de ne pas l'avoir compris, d'être à côté. Donc c'est pour ça qu'il a, il les traite d'hypocrites, le concept de monafir, et donc il est donc dans le langage des prophètes, est différent, un peu différent du sens commun d'hypocrite dans le sens de ne pas être sincère. Là, eux, ils sont sincères. Ils pensent sincèrement être sur la voie droite, mais en fait, ce qu'ils sont intérieurement, des gens de mauvaise foi, de mauvaise qualité, et en contradiction avec leur apparence de piété extérieure, dans leur statut social, dans leur façon de se comporter, où en fait, il y a beaucoup d'ostentation. Par rapport à cette notion d'hypocrisie, d'ailleurs, dans les évangiles même, on a pas mal de paraboles qui permettent de le définir. Par exemple, on a ce passage où Issa s'adresse aux pharisiens et leur dit « Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. » Et donc on voit, là la parabole elle exprime bien, parce qu'un tombeau peut être joli, orné, etc., mais à l'intérieur c'est bien sûr des ossements, et qu'en fait il met en opposition l'extérieur et l'intérieur. On a ce thème-là qui revient de plusieurs fois. Par exemple, dans ce passage, pharisien aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et alors l'extérieur deviendra également propre. Donc là, on aussi rejoint le thème de la loi et de la foi, la concordance entre les deux, le fait que l'application de la ramelle, l'action doit être le prolongement de la foi, de l'intention et pas quelque chose d'autonome. Et d'ailleurs, on remarque à ce sujet que c'est ce rejet violent, cet acharnement, on va dire, de Aïssa contre les pharisiens, qui a créé l'hostilité de ce courant-là, qui les a amenés. C'est eux qui ont essayé de tuer Aïssa sans y parvenir. Ils ont dû faire appel aux autorités romaines qui eux-mêmes n'y sont pas parvenus. Et contrairement à l'image, à l'interprétation qui est répandue, surtout chez les chrétiens, où en fait, ils disent qu'ils ont voulu le tuer parce que sa doctrine a été rejetée, ce qui est complètement faux. Tout ce qu'on lit les évangiles, à aucun moment, les pharisiens sont là en désaccord avec lui sur le plan doctrinal. C'est lui qui, à chaque fois, prend l'initiative de l'hostilité, qui va créer en réaction cette hostilité. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, il y a mention de 3 invitations par des pharisiens qui invitent Jésus à prendre un repas chez lui. Chapitre 7, un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Chapitre 11, quand Jésus finit de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Chapitre 14, un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Et en fait, à chaque fois, Aïssa accepte les invitations, mais en profite pour les attaquer, pour les critiquer, etc., et pour faire darwa, en fait. Et d'ailleurs, c'est pendant un de ces repas qu'un docteur de la loi, donc c'est parmi les pharisiens, c'est le nom du courant, et comme à notre époque, il y a des hiérarchies entre, on va dire, les Tolabelarim et des Chouyour, des gens, etc., il y a un docteur de la loi, donc on serait un faqih, on va dire, qui lui rétorque: Maître, en parlant ainsi, tu nous fais insulte à nous aussi. Et là, il en profite, Aïssa, pour s'en prendre, pas seulement aux pharisiens, mais à la classe, à la caste autoproclamée des dignitaires religieux. Parce que là, il dit: malheur à vous aussi, maître de la loi, vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter, etc. Je sais pas, il y a toute une tirade, en fait, contre eux. Et là, il s'en prend, il remet en cause toute l'autorité de ces savants officiels. Et c'est la raison pour laquelle ils sont retournés contre lui, ils ont voulu le mettre à mort, parce qu'ils mettaient en cause leur autorité, leur rang social, en fait. Et ce n'était pas du tout une querelle doctrinale. Ensuite, troisième point, c'est un discours rassembleur. Une fois qu'il y a envers des courants et des franges de la population bien déterminées qu'il rejette d'office, tous les courants minoritaires et tout, et la masse, surtout la masse des croyants ordinaires qui n'ont pas de courant particulier, Aïssa avec eux est très rassembleur. Il essaye dans son mouvement d'amener des gens de tous les horizons. Donc là, il se base pour cela sur une distinction à faire entre 2 familles doctrinales, indépendamment des courants. Il y a d'un côté donc les Sadducéens, pharisiens, qui sont pourtant opposés entre eux. C'est ce que j'appelle les 2 pôles de l'égarement à notre époque, entre le khalafisme et le salafisme, on veut dire deux concepts opposés. C'est 2 pôles qui polarisent la communauté, mais ils sont opposés, ils se détestent entre eux. Et Aïssa les rejette tous les deux et les met dans une même famille, parce que leur point commun, malgré leur divergence, c'est le fait qu'ils ne s'alarment pas de la situation. Ils n'ont pas forcément pas de dimension politique, mais en tout cas, ils ne s'alarment pas de la situation présente, ils s'accommodent de la situation. Ils ne sont pas conscients, ils ont un manque de conscience. Et par contre, les courants minoritaires qui ont tous en commun, malgré le fait qu'ils aient des approches différentes et des solutions différentes à apporter à la situation, ils ont tous en commun d'être conscients, d'être éveillés qu'il y a un problème, que ce n'est pas normal qu'ils soient sous la domination étrangère, qu'il n'y ait pas d'unité politique et doctrinale, qu'ils dénoncent l'état de corruption de la société. Tous ces mouvements-là, donc, ils sont représentés par les zélotes, les sicaires et les esséniens principalement, Aïssa essaie de les rassembler. Et la preuve en est, c'est que déjà, ils ne les attaquent jamais. Ils ne les citent pas expressément et ils ne les attaquent pas. Ils essayent, en fait, au-delà des clivages doctrinaux, de trouver un moyen d'entente. Et on sait également que, effectivement, dans son mouvement, il y avait des gens issus de tous ces courants religieux à la base, et qu'ils ont fusionné à l'intérieur de ce que donc on pourrait à l'époque était appelé les Nasara, les Nazaréens. C'était le nom de ce groupe, de cette Jamar créée par Aïssa. À l'intérieur de la société juive, bien sûr, parce que c'est pas une communauté, c'est pas une mille là. Il n'a pas fondé de communauté religieuse distincte à ce moment-là. Il y avait encore l'espoir, on s'était déjà déterminé, mais que la société juive dans son ensemble se réforme. Ensuite, quatrième point, c'est le public que Jésus cible pour construire son mouvement. Donc là, j'ai parlé des courants religieux. À travers tous les évangiles, le personnage du collecteur d'impôts. C'est en fait un fonctionnaire, c'est un juif. Il y a pas mal de juifs, en fait, qui sont fonctionnaires, des petits fonctionnaires qui travaillent pour l'Empire romain. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est encore le point commun très fort avec notre époque, c'est que ça arrive après quelques décennies de renouveau religieux. C'est qu'il y a un renouveau de la pratique religieuse, en fait, à ce moment-là. C'est que, indépendamment des courants d'identifiés qui appartiennent qui ont un dogme bien précis, il y a le petit peuple juif qui est revenu à la pratique, etc., qui a une certaine forme de piété, même s'ils n'appartiennent pas à un groupe, à une communauté religieuse déterminée. Et eux, ces personnes-là, ces collecteurs d'impôts, c'est le symbole même de ce que les pharisiens détestent. Parce qu'en fait, ils disent que c'est des gens qui sont, c'est vrai, qui collaborent, mais à petite échelle, avec les Romains, mais pour des nécessités quotidiennes, pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre, en fait. C'est des gens, mais qui essayent en même temps de pratiquer leur religion. Et c'est, voilà, tout ce que j'ai lu par rapport à ce sujet-là. J'ai fait le lien avec ce phénomène. On a exactement le phénomène à notre époque au sein de la communauté. C'est le cas par exemple en France, où on a toute une masse de musulmans pratiquants qui n'appartiennent, qui ne sont affiliés à aucun groupe, qui pratiquent, qui sont revenus à la religion, qui font la prière, qui lisent le Coran, mais qui sont pris dans la dunya, qui sont pris pour des nécessités matérielles. Ils sont obligés de travailler, ils peuvent pas concilier les deux. Et c'est des gens qui ont l'avantage, et ça c'est, et Jésus insiste beaucoup là-dessus, d'être modeste en fait, justement, qui ne prétendent pas être une élite religieuse. Donc, pour vous citer quelques passages sur le sujet, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient assimilés à des gens de mauvaise réputation pour les pharisiens, qui les méprisaient complètement. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation, nous dit Luc, s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. D'ailleurs, les pharisiens reprochent à Jésus le fait que parmi ces gens qui viennent l'écouter, qui sont attirés par ses prêches, qu'il y ait beaucoup de ces personnes-là, beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec lui, avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur partie critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d'impôts et autres personnes de mauvaise réputation ?» Donc on voit ici une forme de ségrégation et d'orgueil en fait, une petite élite autoproclamée religieuse qui méprise en fait les gens du commun. On a encore une autre référence sur le sujet. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux ». Et donc ici, la frontière, la limite qu'il va avoir, c'est celle de l'orgueil. Et ça, Arissa va le mettre en avant parce qu'il va répondre en fait à ses critiques, il dit, Jésus leur répondit, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, j'insiste sur le verbe s'estiment, qui se pensent justes, mais ceux qui se savent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. Et donc en fait, Arissa va se tourner vers cette masse de croyants qui sont déjà croyants, qui pratiquent qui font ce qu'ils peuvent, qui sont simples et qui sont modestes. Et qui se savent, comme ils disent, qui sont conscients de leur médiocrité, ils ont au moins le mérite d'être conscients qu'ils ne sont pas en parfaite adéquation avec la foi. Et donc, ils ont cette possibilité de progresser. Tandis que les gens qui sont bloqués dans leur orgueil, qui pensent déjà être une élite, être déjà la voie sauvée, etc., eux, on ne peut plus rien faire pour eux, en fait. Et là, ce sujet-là, Arissa donne une parabole très intéressante. En fait, il paraphrase, il imagine, en fait, il met en comparaison l'invocation, la dora faite par un pharisien et celle faite par un collecteur d'impôts, puisqu'il voyait que les collecteurs d'impôts étaient détestés par ces pharisiens. Il dit, donc c'est Jésus qui parle, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Donc il s'imagine une prière type d'un pharisien. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous les revenus. Il décrit ensuite le croyant humble, sous les traits donc du collecteur d'impôts, qui est méprisé par les pharisiens. Le collecteur d'impôts se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc là, cette dernière phrase, elle résume en fait le phénomène social qui s'est passé à cette époque-là, juste avant ça. C'est qu'en fait, il y a eu un retour général de toute cette société à la religion. Mais parmi toutes les personnes qui viennent à la religion, il y en a qui sont tombés dans l'orgueil de penser qu'ils sont déjà une élite, qu'ils ont tout compris. Et la masse qui sont au moins, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont conscients qu'ils sont perfectibles, quoi, qu'ils peuvent s'améliorer et se rapprocher de la vérité. Et c'est ces gens-là qu'en priorité, cette masse en fait, cette arme vers cette masse que Jésus va faire en fait. Et ce qui va m'amener au dernier point qui est rétablir l'ordre social. C'est qu'en fait, à ce moment-là, pour bien comprendre le travail de réforme, on a dit tout à l'heure qu'en fait, RSA, dans cette première étape, jugeait que les Juifs étaient trop corrompus, étaient dans un état de décadence qui était trop grave pour qu'ils puissent surmonter les adversités extérieures et battre leurs ennemis. Et qu'il fallait d'abord faire une réforme. Alors là, jusque-là, cette façon de parler... Vous pouvez me répondre qu'il existe déjà des courants religieux à l'heure actuelle en islam qui disent la même chose, qui disent non, il faut rien faire, il faut seulement. Je crois qu'il y a une phrase qui est attribuée à l'Albanie, je ne sais pas si c'est vrai, qui a dit réaliser dans votre cœur quelque chose comme ça, vous savez. Le khilafa, et il sera sur terre. Voilà, c'est l'idée, on pourrait me dire, voilà, c'est la même chose en fait. Alors que le problème est sur la définition de la réforme. Cette idée qui est répandue chez les musulmans, c'est juste une réforme individuelle. C'est très bien, effectivement, il y a eu un retour religieux depuis des années, machallah, il y a pas mal de... La pratique religieuse chez les musulmans, et c'est vraiment accru, mais ce qui manque ici, sur le point sur lequel Issa a beaucoup insisté, et ce qu'il a commencé à entamer, c'est une réforme du groupe communautaire. C'est-à-dire que pour lui, la société juive telle qu'elle était, elle était mal structuré. Il y avait une pseudo-élite de gens incompétents et qui étaient en fait des gens qui étaient minables d'un point de vue spirituel, qui ne méritaient pas cette place d'être mis en avant, etc. Et qu'il a cherché parmi la masse de créer un nouveau mouvement pour en fait rétablir, ce que moi j'ai traduit par rétablir l'ordre social. Et donc là, il y a une parabole qui est donnée par Issa, c'est les outres nouvelles. Il dit, si je retrouve... Ah oui. Excusez-moi, je crois que je vais le dire de tête à peu près parce que j'ai pas retrouvé la référence. Il dit on n'est pas du nouveau vin dans des outres nouvelles, elle est assez connue cette parabole, car c'est les outres anciennes risqueraient d'éclater. En fait, c'est le lien entre la doctrine et l'individu. Lui, il vient avec une nouvelle doctrine, une façon de voir les choses. Il ne va pas mettre dans des gens qui sont déjà figés. Il le met dans des gens qui sont en train de progresser, qui sont conscients, qui sont modestes, qui sont conscients de leur faible niveau de pratique et qui veulent progresser. Et à ce moment, donc c'est sur eux qu'il va se baser. Et toujours dans le même domaine, en fait, il dit à propos des pharisiens, pour vraiment bien identifier leur problème, Jésus leur dit « Vous êtes des gens qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. » Et là, il y a pas mal de passages d'évangile où il critique l'ostentation des pharisiens, le fait qu'en fait, ils veulent absolument acquérir un rang social, être reconnus comme une élite, comme des gens pieux, etc., alors ce qui ne correspond pas, pour tous en tout cas, à leur réalité. Et c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre d'autres formules qui sont assez célèbres dont les chrétiens parlent beaucoup. Certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Donc là, ils parlent d'un bousculement social, en fait, où en fait, il remet en cause l'autorité de ces élites autoproclamées pour construire une nouvelle élite. Et toujours dans le même thème, il y a encore une autre parabole, c'est la parole des invités. Je cite, lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, il ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet que quelqu'un de plus important que toi ait été invité et que celui qui vous a invité l'un et l'autre vienne dire laisse-lui cette place. Alors tu devrais tout honteux te mettre à la dernière place. Donc là, on comprend bien que cette parabole, le maître de maison, c'est lui-même, c'est Eric Sa qui est en train de construire son mouvement. Et qu'en fait, c'est lui qui va choisir qui sera au premier rang et celui-ci qui sera. Enfin, la hiérarchie en fait. Au sein de ce mouvement qui conforme à la nature spirituelle, la nature religieuse de chacun. Et donc, pour conclure sur ce point, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce travail de réforme communautaire et sociale, en 3 ans, sans doute, si on se base sur le fait que cette dawa a duré 3 ans, a partiellement réussi. C'est-à-dire qu'à la fin, au moment du fameux épisode de la crucifixion, où les autorités romaines le cherchent pour le mettre à mort. En fait, on est arrivé à cette situation-là parce que les pharisiens n'ont pas réussi, n'étaient en situation où ils ne pouvaient plus eux-mêmes le menacer physiquement en réalité. Ils avaient été totalement marginalisés. On a plein de passages de la Bible, de l'Évangile, qui disent, par exemple, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi, ainsi que les notables du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais il ne savait pas comment y parvenir, car tout le peuple l'écoutait avec une grande attention. Un autre passage des évangiles où il y a à peu près le même constat, où il s'est dit « Mais ils eurent peur du peuple », en parlant des pharisiens et des docteurs de la loi. Et encore un autre passage de l'évangile de Matthieu, il disait « Nous ne devons pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se soulever ». C'est qu'il avait même peur à ce moment-là, la caste des rabbins pharisiens, que comme Jésus était tellement populaire parmi les juifs à ce moment-là, qui se produisent un soulèvement contre eux, en fait. C'est que leur autorité spirituelle, alors qu'avant ça, avant Jésus, c'était des gens qui étaient respectés, qui étaient considérés comme une élite religieuse, avait été complètement remis en cause. Et c'est pour ça qu'ils avaient clairement une haine contre lui et qu'ils voulaient absolument le mettre à mort, parce que c'était, en fait, il avait déjà entamé un bouleversement social. Voilà, donc pour conclure. Il y a pas mal de choses sur lesquelles je voulais conclure, mais bon, je vais abréger. Je pense qu'il y a pas mal de choses à retenir de l'exemple de Raïssa pour notre époque. Ce qu'il faut savoir aussi, je ne vais pas le développer aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est qu'après ce que les chrétiens appellent l'ascension, donc l'élévation de Raïssa qui a disparu dans le ciel, qui est élevée dans le ciel par Allah, le courant nazaréen, le mot christianisme n'existait pas bien sûr à cette époque-là, il a apparu qu'à peu près 70 ans plus tard. À ce moment-là, les adeptes de Jésus, on les appelait les nazaréens, Nassara. Et en fait, dans l'acte des apôtres, on a pas mal d'indications où on voit clairement que le fondateur du christianisme, puisque c'est le terme a été créé à Antioche dans les années 90, donc à peu près 60-70 ans après la disparition de Raïssa, a défini une nouvelle religion qui est donc le christianisme, qui n'a absolument rien à voir avec la voie des Nazaréens, Nassara, qui eux se sont perpétués jusqu'à à peu près jusqu'à l'avènement de l'islam en fait. Et donc même les historiens actuels, j'ai pas les références sous les yeux, mais les historiens occidentaux admettent qu'en fait effectivement les dernières manifestations de cette foi nazaréenne, qu'on a appelée à l'époque aussi ébionite, il y avait d'autres noms qui leur étaient attribués, se sont fondus. Ils étaient présents la plupart au Moyen-Orient, elles sont fondues dans l'islam au moment de l'apparition de l'islam. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, s'il y a des questions. Je ne sais pas. Donc les frères, ceux qui veulent poser des questions, ils le peuvent. Et après, Inch'Allah. On va essayer d'organiser un petit repas pour ceux qui peuvent rester. Un petit repas sera organisé. Et barakallahu fikoum. Parmi les groupes, le premier groupe, c'est les salucéens, c'est ça ? Les salucéens, oui. Oui. Est-ce que, à travers tout ce que tu as dit, est-ce qu'on peut conclure que si Isa al-Salem doit revenir vers la fin des temps, parce qu'il va revenir à une époque qui sera un peu similaire à la sienne? Ouais, c'est une des hypothèses, selon moi, en fait. C'était peut-être une des raisons pour lesquelles il doit revenir. Parce que pourquoi lui et pas d'autres prophètes? Pourquoi lui et pas le prophète Mohammed al-Sallam? Et autre chose, c'est que justement, il vient finir sa mission. Enfin, c'est assez clair qu'on met tous les textes bout à bout. C'est qu'en fait, la deuxième étape qui était le chef de guerre et le dirigeant, elle n'a pas eu lieu chez les Juifs parce qu'eux ont dévié, pour la caste des dignitaires religieux l'ont rejeté, ils l'ont démenté, Kazaba, Waqud et Warad, ils ont voulu le tuer. Les deux choses qui, d'habitude, ça s'alternait chez les autres prophètes juifs. Certains, comme c'est dans le Coran, il est démenté, les autres il est tué. Raïssa, il a subi les deux sorts. Non seulement il a été démenti par l'élite juive, et en plus ils ont voulu le tuer. Donc sa mission a été interrompue, et la deuxième étape n'a jamais eu lieu. Donc on espère, c'est une hypothèse, que si la Ummah, on vit le même étape historique, on vit dans la même condition. Si nous, par contre, j'espère, Inch'Allah, on fera les travaux de réforme, on le mènera à bout. Logiquement, Raïssa, la deuxième étape qui est là, le chef de guerre et dirigeant, Raïssa en tant que chef de guerre et dirigeant, puisque c'est la signification même de son titre de Messie, ça s'appliquera pour les musulmans, puisque tous les hadiths vont dans ce sens. On sait que ce sera un imam, comme c'est dit, un dirigeant pour les musulmans. Donc ça, c'est une hypothèse. Justement, par rapport à tout ce que tu dis sur Isa alayhi salam, on voit que maintenant c'est tellement compliqué, l'époque elle est tellement compliquée, il y a tellement de choses qui entrent en jeu, il y a tellement d'ingrédients, qu'en fait, on ne voit pas comment, parce que lui, il est légitime en tant que prophète. Et que nous, aujourd'hui, on n'a pas de, entre guillemets, il y a des leaders. Mais il y a des leaders, il y a des savants qui sont bien, il y a des gens qui peuvent... Mais ils ne sont pas légitimes au nom de tout le monde, au nom de la masse. Ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de la situation où, dans laquelle on est tant qu'il n'y a pas quelqu'un de légitime comme Aïssa ou le Mahdi qui viennent, si je comprends bien. Mais que nous, en fait, on peut préparer ça, c'est ça? Oui, sans doute. Parce qu'en fait, lui, en tant que prophète, la mission d'un, enfin, le rôle du prophète dans le Coran, de n'importe quel prophète, c'est justement être un modèle pour nous. Donc nous, on n'est plus à une époque où, effectivement, comme les Juifs, ils recevaient régulièrement, presque tous les 50 ans, ils avaient un nouveau prophète envoyé par Allah. Nous, on n'a plus de prophète, mais a priori un Mahdi, peut-être. Et en tout cas, Issa, même si on ne connaît pas vraiment le futur, c'est un peu flou. Mais la logique, c'est comme on a des données sur lui, qu'on suive le modèle. C'est comme le prophète Mohammed, il n'est plus parmi nous, mais on suit sa sunna. Donc lui c'est pareil, on suit moi l'idée qui est ici présente, c'est qu'on suit en fait le programme de Jésus, puisque le programme il y est, on a l'exemple sous les yeux, même d'un point de vue historique, on peut déjà, puisque ça met en lumière nos défauts, déjà essayer d'enlever ces défauts-là. Puis après, de toute façon, le travail c'est Allah qui le fait, donc ça c'est pas entre nos mains. Quand tu parlais tout à l'heure, si j'ai bien compris, il s'est mis, moi ce que je comprends, il s'est mis en fait à se mettre contre... El Malaou, quoi, les notables. Quoi, c'est ouais, ça. Voilà, c'est ça, ouais, l'élite. Là, il appelle El Malaou l'élite. Ouais. Comme si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme si quelqu'un, en fait, il va se mettre contre les prêcheurs égarés, les savants égarés, ceux qui ont voulu l'argent, c'est ça? Bah, moi, c'est ce que je comprends, c'est remettre en cause l'élite religieuse. Et vu les résultats, vu la situation du monde musulman, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas si éclairés que ça. Parce que le rôle d'un alim, on a oublié la définition du alim, c'est qu'un alim, ce n'est pas seulement quelqu'un qui accumule plein de données, c'est aussi un guide. Je renvoie au tafsir que donne Ibn Taymiyyah du verset sur Atiullah wa Rasul a ulil amr minkum, il met dedans à la fois le hukam, les dirigeants au sens politique, et les ulama qui ont ce rôle à la fois de guide en fait. Un alim, c'est quelqu'un qui oriente, qui guide la communauté. Il y a pas mal de personnes qui ont ce titre-là, mais qui apportent rien, qui apportent rien du tout à la communauté. Donc est-ce qu'ils méritent réellement ce titre? Et des fois, on sait bien que pour certains, ils sont même plus nuisibles qu'autre chose en réalité. Donc, et aussi, le problème, indépendamment des personnes elles-mêmes, c'est l'aspect conformiste. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de soumission, de révérence exagérée envers des élites. Et là, j'ai pas toutes les références, j'ai pas toutes citées, mais il y a des passages des évangiles qu'on pourrait relire. Je lirai comme ça. Vous croyez que je décris l'époque actuelle? C'est-à-dire qu'il décrit des gens qui soignent leur manière, leur façon de parler pour être par orgueil, par ostentation, pour que tout le monde soit impressionné, etc. On a ce même phénomène, en fait. Il y a à la fois les personnes qui font l'ostentation et ceux qui sont trop naïfs pour les suivre bêtement et les adorer. Des commentaires faits sur des gens qu'on dit hors la main. C'est presque une adoration, c'est assez grave. C'est ça que Aïssa a remis en cause, c'est-à-dire il a bouleversé, il a mis fin à ce conformisme, une sorte de, qu'on dit, on répète l'histoire de bon, la chair des savants empoisonnés, etc. Alors que ce que ces personnes-là méritent le titre de savant déjà, ces exagérations en fait dans le. C'est ça qu'il a remis en cause, plus que les personnes elles-mêmes, parce qu'en général, la plupart des relamains en tant que tels, il y a. Bon, la sunna, ils ont pas, il y en a pas un qui a sorti des trucs très très subversifs. C'est surtout le suivisme aveugle en fait qui est derrière, je pense, qui l'a cassé. Mais il a fait comment pour le casser dans les détails? Bah déjà il est critiqué, il est devant tout le monde, il est cassé devant tout le monde à plusieurs reprises. Il est invité, donc comme je l'ai dit, il y a des pharisiens qui sont présents, ils lui posent des questions. Il est en opposition, en dialogue, en débat avec eux, et sur tous les points, on les casse quoi en gros, et il les ridiculise. Il dit qu'il y a pas mal de, effectivement, c'est dommage, il y a pas mal de références que j'ai pas ici, mais enfin il se moque pas d'eux, mais il montre clairement en fait leurs défauts. Il dit que ce sont des hypocrites, il les dénonce clairement. Comme des hypocrites, des gens qui... Oui. Concrètement, si on dit que, par exemple, pour rebondir sur ce qu'a dit le frère Habib, si on utilise l'interprétation, si on utilise la posture de Issa, dans son environnement, par rapport à tous les acteurs qu'il a, et qu'on essaye de faire l'analogie directe, de manière claire, avec des étiquettes, sur notre environnement. Si je dis, par exemple, que tout ce que tu as dit sur les pharisiens, ça fait penser clairement, donc des gens qui sont strictement attachés, qui sont attachés au dogme et d'un point de vue au rite, de manière très très fort, et ils sont énormément remplis de taklid, puisque tu dis qu'ils avaient ajouté des choses qui étaient venues, qui s'étaient accumulées des siècles avant eux, donc ils sont attachés fortement au taklid, fortement au rite, mais finalement, ils n'ont pas vocation à combattre l'occupation romaine. Ils n'ont pas vocation à bouleverser les choses. Si on, donc ça, je pense qu'on avait tous compris que ça vise une catégorie du, de ce qu'on appelle la salafia, une catégorie, une branche en tout cas. Les sadducéens, tu disais que c'était les réformistes. Ouais, la grande famille des réformistes. Ouais, la grande famille des réformistes qui sont un petit peu dans la notabilité, etc. Donc ça, ça peut faire penser au mouvement... entre guillemets, de ce que j'appellerais des Ikhwani, les Samaritains, tu dis que c'était ceux qui rejetaient la loi de... qui rejetaient Moussa et qui ont pris Haman. Ouais. Donc eux, ils font penser au Rawafi. Exactement. Donc, ils rejettent aux roulettes, les extrémistes parmi la Rawafi, hein. C'est-à-dire qu'ils rejettent carrément le prophète Mohammed, c'est ça, et ils prennent, soi-disant, la sunnah de Ali. Ouais. Donc, quand tu regardes tout ça, en réalité, tu vois que Issa, al-Salam, il est avec Taïfet al-Mansoura. Voilà. Et c'est Taïfet al-Mansoura qui, aujourd'hui, actuellement, elle combat jusqu'à que Mehdi, il apparaisse. Et que Mehdi, il va faire le B.A. à Issa. Donc, on croit qu'il y a comme une boucle qui va se fermer. Ouais. Subhanallah. Et dans Surat Saf, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite Aïssa comme exemple. Et quand il finit l'exercice, Allah il explique que lui, il a donné victoire. Et c'est ce que le frère tout à l'heure disait. Ouais. Quand il parlait de... quand il y a la masse ici, la masse des musulmans, en réalité, elle est prise en otage. Et la vérité, elle est prise en sandwich. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas la vérité passer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette masse-là, des gens, comme il les a cités, eux, ils sont prêts à accepter la vérité. Ils sont prêts à accepter et à suivre une charge-là. Mais il y a des empêchements. Ce qui manque, c'est la darwa, justement, faire le lien à ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que quelque chose à préconiser, déjà, à appliquer, c'est la darwa. Parce que, depuis des années, avec le frère, justement, Ibrahim Nerjan, on s'était réunis par rapport à ça, ce qu'on critiquait, ce que j'appelais le cloisonnement de la darwa, une certaine darwa, pour ne pas la citer, qui avait le défaut de ne pas aller vers la masse des musulmans, c'est toujours cloisonné. Où il y avait l'effet conjugué d'erreurs de communication qui venaient d'eux, et la propagande qui vient de l'extérieur. Et donc, la masse des musulmans déteste des gens qui sont engagés pour le bien de la communauté. Alors que ce qu'il faut, c'est aller à Issa, alors qu'il était issu d'un milieu qui était minoritaire, il a fait une révolution, entre guillemets, en se dirigeant vers la masse des juifs, quelles que soient leurs origines, leur horizon et doctrinal, et pour leur faire. Donc c'est un travail de darwa. Ça, c'est le point, il est clair. Ça, c'est la prédication est fondamentale. Juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit au frère. Parce que par rapport au Taïfa de Mansoura, il y a un hadith où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que cette Taïfa de Mansoura, il combattra Tadjjal. Et quand on fait la similitude avec Aïssa, il viendra pour combattre Tadjjal. Et on voit que cette Taïfa de Mansoura, vraiment, elle sera avec Aïssa alayhi wa sallam à travers ce hadith. Allahumma ja'alna minhum. Amin.